IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée? Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi? J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement. Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Oh, oh, champions, my friend. Bam, bam. C'est la guitare. Bon, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Nouveau numéro post-live. Post-live. C'est le premier voilà. épisode qu'on fait après. Si vous n'avez jamais fait le Bataclan, arrêtez d'écouter. Je ne traite plus qu'avec des gens qui ont fait le Bataclan désormais. Ben voilà, et du coup, un podcast alors qu'on va faire de façon un peu particulière, puisque du coup, il n'y a que Adrien et moi. Voilà. Adrien Méniel, je vais quand même t'applaudir. Ah ouais, Flaubert. Ah ouais. On s'applaudit, on est devenu horrible. Oh là là. On est devenu horrible. Oui, on s'est dit qu'on allait faire un podcast juste tous les deux pour débriefer un petit peu. Alors, l'idée, c'était aussi d'avoir Antoine. Donc, Antoine. Prombingino qui a produit la soirée. Mais vous inquiétez, mais il ne pouvait pas parce qu'il il a acheté une bagnole, le mec. Ouais, ouais, j'ai vu ses stories. Une bagnole d'Akira, plus ou moins. Une belle caisse. Une belle caisse. On parle d'Antoine de perdu, bien sûr. Voilà. Parce qu'on ne connaît pas forcément son nom. Pas forcément son famille. C'est blim, blim, blim, blim, blim. Brimbio Crazy Frog un peu. Oui, ouais. Et donc il a essayé une voiture, mais vous inquiétez pas, j'essaierai de répondre aux questions que vous vous posez quant à. On l'appellera. On l'a... Non. Non. On n'a pas la tech. Il est la tech. T'adores la tech. J'adore ça. Oui, on va revenir sur le Floodcast Bataclan. Alors d'ailleurs, le mieux, si jamais, je sais pas, vous êtes dit, oh, mais c'est un live, j'ai pas envie d'écouter, machin. C'est votre droit, mais sachez que du coup, on va spoiler comme des bâtards. Donc, c'est mieux oui. d'écouter dans l'ordre et d'écouter d'abord celui qu'on a du coup enregistré en live le 21 octobre, donc il y a une semaine. Une semaine. Peut-être plus si vous l'écoutez un peu plus tard. Oui, oui. Mais quand les gens l'écoutent. Mais plus que ça, deux semaines. Deux semaines. On l'a enregistré il y a deux semaines et diffusé la semaine dernière. Ouais, pardon, voilà, excusez-moi. Oui. Oui, j'entends. Oui, j'ai lu. J'ai lu. Et donc voilà, alors j'ai demandé aux auditeurs de poser leurs questions. Ah bah très comme bien. Comme ça, j'ai vraiment. On n'a rien à foutre, c'est très bien ça. Assez peu de choses à préparer. Mais d'abord, oui, je vais quand même faire un petit avant-propos. Pourquoi on a fait ça en fait? Peut-être qu'on peut aussi expliquer aux gens comment pas. Ça s'est. Aucune idée. Moi je vais te le dire. Vas-y. En fait, c'est Antoine, donc je vous le savez peut-être, mais qui fait 2 heures de perdu en live aussi. C'est-à-dire qu'en fait, oui. il a joint une personne qui s'intitule Florence, qui s'occupe du coup de la proc du Bataclan. Et en fait, le Bataclan cherchait à produire en live du podcast. Parce qu'en fait, aucune salle à Paris ne s'est intéressée à ce truc. Et personne ne sait qu'en fait, le podcast peut potentiellement drainer un public. Ah oui. Donc Antoine était en relation avec Florence et a fait le 2 heures de perdu au Bataclan. Moi, j'avais vu le premier 2 heures de perdu au Bataclan, celui sur Star Wars épisode 1. Et j'avais trouvé ça chamé. J'avais trouvé ça vraiment trop bien. Mais t'es un geek aussi. Je suis un pur geek. Et donc, Antoine était venu me voir en disant il serait intéressé pour produire d'autres podcasts, mais moi, j'en connais pas trop. Et est-ce que toi, ça pourrait t'intéresser? Donc moi, j'ai dit mais méga chaud, parce que moi, ça fait longtemps, on en parlait avec Adrien, on voulait faire des lives. Mais dans des petites salles, on parlait plus dans des trucs confidentiels, quoi. Ouais, peut-être même des bars, des trucs comme voilà. Des petits bars. Un bar. Un petit bar. Un bar. Et le Bataclan, c'était quand même commencé sur un gros truc. Mais quand même, j'étais là, genre, franchement, go, quoi, autant le faire au moins une fois et advienne que pourra si jamais c'est de la merde et si jamais on remplit pas. Ça, c'est un autre truc, mais voilà, on en reviendra quand il y aura les questions. Mais moi, j'étais vraiment pas sûr, et c'est pas du tout de la fausse modestie, je vous le promets. Je pensais qu'on allait remplir, en toute honnêteté. Ouais, mais tu flippais. Pas aussi vite. Non, je pensais vraiment qu'on allait galérer. J'avais préparé tout un. Je crois que je l'ai déjà dit dans un précédent, mais c'est pas grave, là, c'est le spécial, on peut. J'avais préparé tout un plan de com où j'invitais quand même, où j'annonçais quand même les invités. En fait, en gros, c'est ça. À la base, j'étais là, genre, c'est trop bien si on les annonce pas. Mais je m'étais dit, c'est au cas où, si on en remplit pas, je dirais, voilà, il y aura un tel. Les 10 invités le partagent sur leurs réseaux sociaux et peut-être on remplit comme ça ce que font des plateaux d'humoristes très connus à Paris. Souvent ça fonctionne comme ça. Et on n'a pas eu besoin. Et ça, c'était quand même assez fou parce que vraiment, sans aucune fausse modestie, je ne pensais pas qu'on allait remplir si vite. Parce que sans modestie, les stars, c'était nous en fait. Sans la moindre modestie. Voilà. Sans véritable modestie. Donc voilà. Alors par exemple, quelqu'un demande aviez-vous préparé le show? Jusqu'à quel degré de préparationnage? qui n'est pas. C'est pas un vrai mot. T'es un peu okay. farfelu, je crois. Sur la fin, t'as été farfelu. Un peu dans ta bulle. Comment on a préparé ce podcast ? Bah, c'est surtout. Déjà, faut dire que c'est quand même à 98% toi qui as tout fait. Non. Non, mais moi j'ai eu. Enfin, tu m'as tenu au courant, j'ai eu des idées par-ci par-là, ouais. Mais c'est quand même toi qui a tout géré. Je dirais 80%, pas plus. Bah, t'es généreux. Et il y avait Antoine aussi qui a géré beaucoup. Blim, blim, blim, blim. Il m'a adoré. Oui, j'ai l'impression qu'il hait cette blague. Tu raconterais une anecdote après d'Antoine qui a fait une énorme boulette au Bataclan. Tu verras, je te raconterai. C'est formidable. Il a fait une blague antisémite à ma meuf. Voilà. T'es pas si loin. Ah, merde. Parce que c'est par rapport à ma meuf, mais c'est merveilleux, tu verras. Non, mais oui, bah, c'est quand même toi qui as. Enfin, t'as écrit la chanson du Dr Guigui, ouais. t'as même écrit la chanson d'Eléonore, il me semble. Ouais, mais qui est plus ton idée. Oui, bah, c'est, moi, c'est mon ouais. idée, mais c'est toi qui as écrit les paroles. Écrit les paroles enfin, avec moi, ouais. Voilà, donc c'est. Enfin, c'est. Toi qui as fait beaucoup, quoi. Ouais. Et donc, je sais plus quelle était la question. Non, mais c'est à quel point on a préparé. Oui, en oui, fait, bah... l'idée, c'était de mettre des chouettes rails pour que les gens qui préparent pas voilà. soient à l'aise. Comme 1, 2, 3 Soleil, le spectacle, ils avaient fait du chouette rail. J'adore. J'aime vraiment ouais. beaucoup. Elle est pas mal. Elle est vraiment bien. On a fait ce genre de blague. Ouais, voilà, exactement. Et l'idée, c'était donc. Moi, en fait, ma hantise quand on préparait le show, c'est que ce soit chiant. C'est-à-dire que même moi aux États-Unis, je suis allé voir des quand j'étais à Los Angeles en vacances, j'ai vu des très bons podcasts, mais il y a un moment, alors aussi parce que c'est pas ma langue, enfin attention, mais où je me faisais un peu chier en fait. J'étais là genre, ah, 2 heures, c'est un peu long. C'est aussi une autre question qui reviendra plus tard. De oui, pourquoi pas c'est mal plus de court. Gens sont ouais, étaient pas très contents que ce soit trop court. Mais c'est je une remarque qu'on m'a fait aussi, même mes proches m'ont dit, ah, c'était court, moi je serais bien reparti pour une heure de plus et tout. Et en vrai, pourquoi pas tester si on en ouais. refait. Mais moi là j'ai trouvé que c'était bien dense et au moins tu repars avec le sourire et tout voilà. Mais je pense aussi qu'il y a un truc un peu qui est faux, c'est qu'on finisse sur un espèce de feu d'artifice, de truc qui met l'énergie ouais. Non mais pas un truc pas dans le sens c'est chambé, mais dans le sens où il y a plein de blagues où les gens tapent dans les mains ou machin ouais. Et quand tu dis que c'est fini, effectivement il y a un truc de oh putain c'est con, je commence à être chaud tu ouais, vois, ouais. Mais pour revenir à la question de comment on a préparé, moi je m'étais dit ok, il faut que toutes les demi-heures, il y a un truc un peu drôle préparé. Donc c'était la chanson, le truc de la marionnette au début, la chanson de fin. J'avais préparé le truc avec Baptiste où on met l'extrait de sa série. J'avais préparé des mini-trucs comme ça pour relancer un petit peu si jamais on commençait à s'ennuyer. Ouais. L'autre truc aussi, c'était de prendre en première partie, première moitié de l'émission, Poulpe et Yvick, qui sont des gens extrêmement drôles, mais peut-être moins habitués à réveiller un public. Ouais. Alors que dans la deuxième partie, alors ça on en reviendra parce qu'on a des invités qui nous ont fait faux bon et compagnie, mais par exemple un gars comme Baptiste qui est habitué dans les plateaux d'humoristes à jouer en dernier avec un public fatigué de rigoler et qui arrive à les réveiller ouais. avec une énergie, avec des blagues et machin. Ouais. À ce niveau-là, la prog, tout était un peu pensé oui. pour que les gens se fassent pas chier. Après, le vrai truc qui faisait flipper, c'était qu'on perde pas ce qui est intéressant. L'idée, c'était pas de faire Floodcast le show, quoi. L'idée, c'était vraiment de faire un podcast. Oui. Avec des petits trucs en plus, mais en vrai, ça reste un podcast. Oui, voilà, qui est quand même une plus-value à le faire sur scène. Des trucs qu'on pourrait pas faire. Enfin, tu vois, Lolo qui vient faire une chanson et tout, c'est des trucs. Ça aurait pas de sens qu'elle chante dans un floodcast classique. Exactement. Mais oui, l'idée c'était de rester. De faire un floodcast, quoi. C'est ça, d'être voilà. en discussion et d'être posé comme de toute façon, ça. On a très peu de talent qui pourrait être. qui pourrait se manifester sur scène. Donc je crois que les gens ont pris une petite claquasse sur les qualités de chant effectivement. En deuxième partie de spectacle. Mais... Petit talent caché. Voilà, un truc que les gens ont découvert. Donc voilà, avez-vous pris conscience de l'ampleur du phénomène floodcast? Alors doucement, parce que bon, le phénomène, voilà. En vrai, enfin oui, phénomène machin entre guillemets, ouais. Mais c'est vrai que moi, ça m'a. En fait, le truc de voir que t'avais une salle entière qui avait chaque ref. En fait, c'est vraiment le truc. C'est là où je me suis rendu compte. Je l'avais déjà vu qu'on me fait 120 fois par jour la blague de ces Black Mirror. Oui, je sûr. Me suis dit, ok, on a créé des gags des qui sont propres à. Enfin, on a créé un univers, entre guillemets. Ouais. Ouais. Avec les blagues qui lui sont propres. Oh, joli. Et mais de voir vraiment que, enfin, il y avait des blagues. Donc là, quand je parle de, tu vas devoir bipper, mais quand je fais une blague, je me suis dit, il y a 4 personnes qui vont rire parce que c'est un peu une blague, un truc d'initié. On sait pas forcément machin. Et en fait, toute la salle, enfin, genre, les gens ont applaudi cette blague. Et j'étais sur le cul, quoi, de me dire, ah ouais, on a quand même créé. Enfin, il y a quand même une communauté de gens qui ont chaque blague, chaque référence qu'on fait. Et ça, c'était ouf, quoi. Et surtout de s'en rendre compte en live, quoi. Ouais, je pensais pas du tout. J'en avais mis une blinde parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, de temps en temps, on nous en ressort. Et même quand on a des retours sur un épisode, on voit quelle blague a un peu marqué les gens et quelle blague a moins marqué les gens. Mais effectivement, il y a quelqu'un sur Twitter, j'ai oublié le pseudo, je suis sincèrement désolé, mais qui a décrit le truc parfaitement, qui disait l'impression d'avoir participé à une énorme private joke en public. Et c'est ça, et c'est un vrai compliment. Je suis trop content que moi j'ai invité des gens qui connaissaient pas vraiment le podcast et tout, et qui se sont marrés, et qu'on dit, mais juste par contre, on était choqués à quel point ça hurlait de rire sur des trucs qu'on comprenait pas. Et moi je trouve ça assez chouette en fait. Les gens qui hurlent sur Dr Guigui, quoi. Ouais, voilà, c'est alors ça. C'était ouf. Ça, c'était assez. Ouais, ça, on était un peu comme des malades. Ouais, ça, on était vraiment. Ça m'a vraiment rempli de joie. Donc, ouais, ça nous a fait plaisir. Après, l'autre truc aussi, là, je parle peut-être plus personnellement, mais justement, l'idée, c'était aussi un peu, je pense, de tuer un peu tous les running gags. Enfin, genre, on a fait un espèce de truc où c'est cool. L'idée, c'est pas de rester sur trois running gags jusqu'à la fin de la vie du podcast. Encore que, on aime bien. Mais en tout cas, l'idée, c'était aussi effectivement de. En fait, les gens avaient payé. Moi, j'ai un truc un peu prolo à ce niveau-là, mais vu que les gens ont payé, j'ai envie qu'ils repartent en ayant kiffé, quoi. Et c'est pour que l'idée, c'était de leur donner de la musique, des running gags que seuls eux comprendront, le fait qu'on name drop des gens qu'on bipera dans la version podcast, mais que eux entendront enfin les blagues sans les bips. Je sais que dit comme ça, c'est pas grand-chose, mais moi, j'étais content que les gens se disent « Ah, ok, c'était cool. » Et d'avoir une petite plus-value au live, au live. Autre question, alors celle-là je la garde pour un peu plus tard. Avez-vous évité de faire des gags visuels pour que ça reste un podcast audio? Oui et non. C'est-à-dire que dans l'idée c'était un peu ça, mais en vrai on en a fait des visuels et je pense que quand t'écoutes c'est pas très compréhensible. Ne serait-ce que la marionnette au début. Voilà. Typiquement c'est des trucs que tu comprends pas. On en a pas fait énormément. J'ai fait quelques blagues. Quelques regards, des fois, je me souviens. T'as fait des petits regards, des petits trucs. Oui, des gestes, des trucs comme ça. Mais parce que, en fait, oui, c'est. T'es en public, en fait. C'est l'occasion de faire des blagues que tu ferais pas. En fait, c'est un spectacle, qui était tellement basé sur la connivence entre nous et les gens que tu prends les gens à partie, tu fais des blagues qui sont muettes parfois et c'est marrant. C'est un truc que tu peux pas du tout faire. Dans un podcast traditionnel, quoi. Donc, tu te permets d'en faire quelques-uns, mais on en a pas fait énormément, quoi. Et puis l'idée, en fait, c'est ce que. Et le fait qu'on est déguisé. en Roméo Elvis et Angèle, bien sûr. Non, mais il y a eu des petits trucs comme ça. Après, alors, déjà, l'autre chose, c'est que je pense que les podcasts audio qui viennent d'un live, moi, je les ai toujours considérés comme. Oui, c'est pas exactement un podcast. Enfin, vois, il y a quand même un truc de. Effectivement, il y a une plus-value quand t'es dans le public. Je parle de ça parce que j'ai reçu un message un peu véhément, mais c'est pas grave, je me suis expliqué avec la personne. Je me demandais si on a parlé de ça. Ouais, on va un peu en parler parce qu'il y a peut-être des personnes qui. C'est horrible, personne. Non, mais après. Je comprends la maladresse. En fait, après, quand j'ai discuté avec la personne, j'ai compris que c'était juste un truc qu'on s'était pas compris, mais qui expliquait que la personne trouvait ça extrêmement limite. De faire des blagues genre vous aviez qu'à être là, eux ils ont payé, ils méritent, machin et tout. Alors déjà c'est des blagues, hein, tout va bien, c'est pas un truc anti gens qui peuvent pas payer, c'est juste des blagues. Elle disait pas seulement ça, vas-y. Non mais en gros que elle trouvait ça lamentable et qu'il y avait en plus des espèces de trucs de je vais écouter d'autres podcasts du coup, la formulation était horrible. Mais... Non mais la personne disait vous auriez quand même pu faire une capta vidéo parce que... Ah oui il y a eu ça aussi, ouais. Et là il y avait un truc de genre mais attends... On ne te doit rien. Enfin, c'est ça, fait, déjà ça fait 5 ans qu'on fait un podcast gratuitement sans pub. C'est aucune pub. Donc déjà voilà. C'est la première fois je me dis qu'on gagne de l'argent et qu'on va réinvestir dans le. Qu'on va réinvestir dans le podcast et on parle de très très peu d'argent parce que c'est ce qui fait qu'on a mis les prix pas cher quoi. Voilà. Non mais en plus il y a vraiment un truc, je me permets d'en parler parce que en plus ça touche un peu tout ce rapport entre public et je sais pas quoi dire artiste on va dire. Ouais. Soit les youtubeurs, les comédiens et tout, mais en fait le deal de départ, c'est on fait un truc et si ça vous plaît, que ça vous apporte, si ça vous divertit, vous le regardez. C'est le seul deal qui existe en fait, quoi. Il y a pas de, alors je regarde ton truc, mais alors après tu me dois de si plus tard tu fais un truc, et du coup tu vas devoir. Il y a pas de, le deal, il est très simple, il est équilibré. Il y a des gens qui font des trucs et si ça vous divertit, vous le regardez et point barre, quoi. Et il y a pas de, et en fait le truc c'est que c'est un truc, surtout chez les youtubeurs, il y a un peu un truc de youtubeur qui en font des caisses sur leur public, genre vous êtes géniaux, c'est grâce à vous, machin, etc. Et en fait, le, enfin, je veux dire, c'est un rapport qui est sain à la base. Il faudrait pas le rendre malsain, quoi, en disant que le public il est génial, etc. Il y a juste un rapport qui est cool de on partage, on fait un truc, ouais. et ça plaît à tout le monde et terminé, quoi. Ouais. Et là, il y avait vraiment un truc de genre, ouais, vous auriez pu faire une carte vidéo. Et il y avait un peu un truc de genre, c'est grâce à nous que c'est grâce à nous tous les auditeurs que vous êtes sur scène et du coup vous auriez pu faire un truc vidéo. Bah ouais, ça aurait été cool, mais en même temps, on ne doit rien à personne, quoi. Genre, le truc de base est, on fait un truc, et si ça vous plaît, vous le regardez. On fait un peu ce qu'on veut, en fait. Voilà. C'était ça aussi. C'est-à-dire que sur ce podcast, on jouit sur ce podcast d'une liberté totale. Moi, je jouis déjà sur ce podcast. À chaque épisode, les gens sur scène, du coup, ont pu le voir. Énorme jouteur, aux yeux de tous. Mais oui, on fait un peu ce qu'on veut. Alors, ça, c'est aussi une autre question que j'ai vu passer. On fera pas de capta vidéo, parce que moi, je n'aime pas la capta vidéo. C'est un truc. En fait, je travaille dans l'audio visuel et j'adore jouer avec l'image. J'adore mettre en scène dans l'image. J'aime pas juste foutre une cam. Et je le vois. J'ai essayé de faire un peu de Twitch et je pense que j'en referai pas parce que ça m'amuse pas des masses. En fait, c'est un truc où j'aime pas qu'on puisse voir une cam posée, machin et tout. Et si jamais on faisait un floodcast filmé, ce serait un floodcast pensé pour que ce soit capté et il nous faudrait 4 cams et ce serait une vraie production pour que moi j'aimerais faire un chouette truc. Je voudrais pas mettre une caméra dans le fond et puis comme ça vous l'avez regardé sur YouTube. Moi j'ai un espèce de truc en plus de spectateur qui fait que si tu me dis qu'un truc audio est disponible en audio vidéo, donc audio plus l'image, je vais avoir envie de le regarder en audio vidéo, mais je vais peut-être pas forcément trouver le temps et au final je vais jamais le regarder. Mais ça c'est très personnel. Mais vu que moi très personnellement j'ai ce truc là, j'ai tendance à dire bah du coup je ne mets que l'audio et les gens n'ont que l'audio et je trouve ça cool d'avoir que l'audio. Oui, oui. L'image pour moi est trop importante dans ce que je fais dans la vie pour juste la foutre sur des trucs comme ça gratos. Donc gratos dans le sens sans aucune raison, pardon. Et l'autre truc c'est que l'idée c'est d'en faire plusieurs des lives, maintenant on peut le dire. C'est-à-dire que quand j'ai réécouté l'émission, je fais ok, ça s'écoute quand même, c'est rigolo. La personne disait, il y a des gars qui sont complètement incompréhensibles et tout. Il y en a vraiment déjà pas beaucoup. Ouais. Et avec le contexte, tu peux comprendre. Enfin, ça passe très vite. Au pire, tu rates 3 gags. Et c'est un podcast, encore une fois. Alors peut-être qu'on j'appuie trop là-dessus, mais qui est gratuit. C'est-à-dire que je trouvais ça un peu fou de venir se plaindre auprès de moi, alors qu'il y avait vraiment un truc de, bah tu ne l'écouteras pas cet épisode et peut-être t'écouteras le prochain. En fait, parce que le prochain, alors peut-être pas le prochain, parce qu'on parle du Bataclan, donc du coup peut-être ça te fait chier, mais les prochains qu'on fera, et voilà, et j'espère que ceux-là te plairont, tu vois. Voilà. Mais voilà, l'idée en tout cas, c'est de dire sur les podcasts qu'on fera en live, on va pas en faire tous les 4 matins. L'idée, c'est que Floodcast, ça reste quand même un truc qu'on enregistre chez moi, posé autour d'une table et on invite des copains. Un live, c'est quand même compliqué à mettre en place, donc on va pas devenir un podcast qui toutes les 2 semaines fait un live. En tout cas, pour le moment, c'est pas l'idée, on verra plus tard, mais pour le moment, en tout cas, c'est vraiment pas l'idée. Et quand on fera des lives, les gens seront trop contents d'avoir ce truc là. Moi je me mets toujours à la place des gens qui étaient au Bataclan et qui eux pour le coup c'est trop bien, ils ont ce truc en plus qu'effectivement les autres gens n'auront pas. Mais encore une fois, on a été victime un peu du truc qu'on a vendu, on a vite rempli la salle, donc je comprends qu'il y ait des frustrés, mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres lives et vous pourrez assister peut-être à ceux-là. Et puis si vous assistez pas, vraiment c'est sympa un podcast en public. Vous ratez pas le plus gros truc de votre life. Si. Vous manquez 3 blagues visuelles, tu vois. C'est non plus, voilà. Mais bon, bref, voilà. Donc, cette personne, je voulais quand même. Parce que j'ai quand même vu passer 2-3 trucs qui voulaient des vidéos, des trucs. C'est pas la volonté. L'idée, c'est de faire par contre plus de live, c'est vrai. Ça serait cool. Pour qu'il y ait plus de gens qui puissent venir aussi. Peut-être même des lives dans des plus petites salles, pourquoi pas. Moi, je suis du tout fermé. J'imagine que c'est une des questions, mais ça sera chambé d'en faire dans d'autres villes. Exactement. Ah, mais c'est l'autre truc aussi. Parce que le message disait, on n'a pas tous les moyens de mettre 180 balles pour faire l'aller-retour à Paris. Et j'entends. Encore une fois, ça c'est aussi le truc de moi, il y a plein de trucs que je peux pas m'acheter parce que j'ai pas les moyens et je vais pas me plaindre auprès des personnes pour, tu vois, j'adore Kevin Smith, je peux pas aller voir tous ses podcasts à Los Angeles. On est vraiment navré d'habiter à Paris, quoi. Non mais c'est vrai, enfin moi j'adore Kevin Smith, c'est pas pour ça qu'à chaque podcast je vais faire un aller-retour en avion, tu vois, parce qu'effectivement ça coûterait trop cher. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que on va essayer de faire en sorte quand même que ce soit accessible au plus grand nombre. Et comme tu dis, Adrien, l'idée c'est de, à terme, de faire une petite tournée nationale. Ce serait trop bien. Peut-être même dans le Benelux si jamais il y a une envie, tu vois. Enfin nous on est mais absolument rien. Montréal, putain, là, ça serait vraiment stylé. Je rêve d'aller au Canada une fois dans ma vie. Je n'y suis jamais allé. J'irai sûrement. Mais l'idée, en tout cas, c'est de le rendre accessible quand même au plus grand nombre. On n'est pas non plus des gens qui veulent faire que à Paris des grosses salles et tout. Pas du tout. Nous, on est ultra chaud pour aller dans d'autres villes. C'est et vraiment, ça fait longtemps qu'on en parle. En plus, avant même qu'il était question de faire des lives, quoi. Et en plus. disons qu'au Bataclan, c'est la version un peu spectacle où on a créé des musiques pour l'occasion, où il y avait un joueur de donc mon frère en l'occurrence faisait de la musique sur scène pendant le spectacle et tout. On peut aussi imaginer des versions beaucoup plus light, oui. Potentiellement que Adrien et moi qui allons dans des plus petites salles. Enfin, c'est un truc complètement imaginable avec des artistes du coin. Enfin, tout est pensable à ce niveau-là. Le Bataclan, je pense que ça a été, c'était la version plus de ce qu'on peut offrir dans un show, parce qu'on était devant 1200 personnes. Mais si on fait des lives devant disons 100 personnes, effectivement ce sera peut-être plus intimiste et ce sera super cool aussi, je pense, dans une autre version, quoi. Voilà, voilà. Je n'ai plus d'oxygène. Est-ce que faire un projet un peu plus travaillé ne dénature pas un peu le côté naturel justement du podcast? On en parlait un peu tout à l'heure. Est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que vous avez parlé entre vous de ça? Bah, on en a pas vraiment parlé, parce qu'en fait je pense qu'on était de toute façon d'accord, enfin c'était assez tacite que voilà, on voulait, mais en fait le truc c'est que de toute façon même les floodcasts habituels, c'est quand même, enfin tu les prépares, quoi, je veux dire, il y a un jeu au début avec des questions que tu prépares, et puis il y a les recos à la fin, et puis il y a des, enfin c'est quand même un deuxième jeu même des fois, ouais, voilà. Donc c'est quand même un peu cadré, il y a quand même un peu une direction, et après c'est cette structure-là qui nous permet de faire n'importe quoi au milieu. Ouais. Et je pense que c'est ça qui, c'est la formule qui marche. Et c'était exactement la même chose au Bataclan, quoi. C'était pas plus rigide que ni plus ni moins rigide qu'un floodcast traditionnel, quoi. Moi, je me sens vraiment comme un mec dans une colo, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis un peu le pion qui dit ce qu'on fait et je propose des activités. Après, c'est les enfants qui jouent, quoi. Enfin, moi, je me suis toujours vu comme ça et je trouve ça super cool comme ça. Donc, non, l'idée, c'était de retranscrire ça sur scène. Et en plus, alors toute honnêteté, c'est pour ça aussi qu'on fera pas des lives tous les jours, c'est que c'est du stress, de la fatigue, et on y viendra plus tard, mais surtout sur l'organisation. Ouais. C'est-à-dire que créer l'émission, moi j'adore, parce que c'est un truc, c'est dans nos métiers, on est auteur, monteur, enfin tu vois, appeler Pestel et faire un petit sketch de début de live, moi j'adore faire ça. Ce qui est plus dur, c'est discuter avec un ingé son, discuter avec un mec lumière, inviter les gens, trouver les quatre bons invités pour, et alors ça on va y revenir, mais c'est des trucs qui sont très compliqués à gérer et qui ça pour le coup sont de la production, c'est pour ça que vraiment qu'on avait Antoine, parce que c'est des trucs que moi par exemple je suis une merde humaine là-dessus et je n'arrive pas à gérer, quoi. Donc ouais, quelqu'un disait, j'ai trouvé le floodcast live assez court, est-ce que parce que la salle était réservée pour un temps limité ou alors simplement parce que c'était prévu comme ça? Donc je fais juste au début, effectivement la salle était limitée, c'est-à-dire que si on dépassait on devait payer des heures sup à tout le monde, voilà. Ce qui n'était pas possible sur le budget un peu ric-rac qu'on avait. Mais c'est pas la seule raison, je trouve. Tu viens de dégueuler. J'ai dégueulé à côté. Non, mais c'est vrai que c'est pas la seule raison. Non. Non, ah, je continue. Bah, vas-y, vas-y. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est que des floodcasts, des fois, on se rend pas compte quand on est chez nous et quand on est chez moi, pardon, mais ça fait d'un coup 2h30. C'est des trucs, mais on le calcule pas. C'est-à-dire que je me suis jamais mis une durée exprès en me disant il faut au moins ça. Et souvent les émissions où les gens invités sont un peu moins chauds, où moi mon jeu est un peu moins efficace machin et tout, sont un peu plus courts, voilà, c'est un truc qui est logique. Quand on est sur scène, on se prend un tout petit peu plus dans la gueule les temps morts aussi, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu sens que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vanne, bah c'est vrai qu'il y a un silence dans une salle qui se sent, en fait, qui, tu vois, même quand tu te prends un bide ou un truc comme ça, tu sens ces choses là ça je m'étais dit ça avant le spectacle, c'est-à-dire que je m'étais dit bon, c'est pas un épisode qu'on... Des fois on fait des épisodes comme ça de floodcast où c'est un peu TED Talk, où on parle de nos vies, où d'un coup il y a une anecdote un peu longue sur une rupture avec pas beaucoup de blagues machin et tout. Je savais que je voulais pas vraiment faire ça pour la première fois qu'on faisait un live, c'était pas l'idée. Je dis pas qu'on le fera peut-être pas un jour, mais pour le premier, moi je voulais juste que ce soit marrant, qu'on passe une bonne soirée avec les gens et qu'ils repartent en disant putain c'était vraiment marrant, on a bien rigolé, quoi. Et ça va avec le rythme. Et c'est vrai que moi dans le rythme, en fait, faut que vous sachiez qu'on a fait un vrai conducteur. C'est-à-dire qu'avec chaque passage, je devais faire tant de minutes et je m'étais réservé à chaque fois un temps limité pour chaque partie. Ouais. Et ça, moi, je l'ai respecté au cordeau. C'est-à-dire que je ne voulais pas dépasser et j'avais effectivement prévu 1h30. Mais je m'étais dit, vu que c'est du talk, peut-être qu'on fera 1h45, 2h. Mais mon rêve ultime, c'est de faire 1h30, 1h40, je crois, en fait. Ouais. Et je me dis, 1h40, c'est parfait, c'est la durée d'un film, tu te fais pas chier normalement et c'est cool. Ouais. Et effectivement, il y a eu des gens qui nous ont dit... Ouais, c'est un peu court, ça aurait pu durer encore plus longtemps et tout machin. L'autre truc, c'est que moi, 1h40, je trouve que personne m'a dit je me suis fait chier, donc ça c'était quand même le bon côté, parce que bah je te dis, moi je suis allé à Los Angeles, j'avais des podcasts qui me faisaient chier, tu vois, et ça peut arriver vite en fait de t'ennuyer parce que d'un coup ça manque de vannes ou d'un coup c'est moins chaud machin et tout. Et l'autre truc, c'est que bah c'est super, c'était notre première aussi, donc peut-être que la prochaine on verra, on se permettra on un peu plus, on va maîtriser plus le truc, enfin voilà, là le truc c'était c'était de voilà s'assurer que le rythme, parce qu'il y a pas de montage en fait, donc on peut pas enfin je veux dire il y en a a posteriori mais oui, évidemment évidemment sur sur scène tu peux pas te dire, tu peux pas te permettre de dire bon bah ça c'est un peu long mais c'est pas, on le virera quoi. Faut savoir si c'est que long quand... c'est long là pour le public directement. Faut quoi. Savoir... et si c'est trop long ensuite ils sont, le public est horrible jusqu'à la fin, enfin horrible dans le sens s'ils sont fatigués. Oui. Si d'un coup tu les as saoulés avec 10 minutes de rien, bah jusqu'à la fin tu vas galérer à les choper. Voilà. Donc c'est complètement différent. Sachant comme... que nous on n'est pas. Enfin, moi c'était la première fois que j'étais sur scène. Toi t'en as fait un petit peu, mais j'ai c'est pas. J'ai fait 1h40. C'est pas notre spécialité. On n'est pas des gens qui savons récupérer un public, machin, etc. C'est, voilà, donc on apprend aussi en faisant quoi. Non, exactement. Et donc du coup, on verra. Je trouve qu'on a réussi quoi. Oui, voilà, c'est ça, moi, le truc. Content. Moi, c'est content, qu'on a fait 1h30 rythmé, les gens s'ennuient pas, ça. Enfin. Donc voilà, oui, ça va peut-être, peut-être les prochains seront plus longs, mais on verra. Mais en tout cas, cette durée-là est une durée parfaite, je trouve, pour un podcast où tu te fais pas chier et où tu as passé une bonne soirée. Et j'ai pas l'impression de flouer les gens, tu vois. Tu dis, t'as eu 1h40 de spectacle, oui, c'est ça cool va, quoi. Quand même. Quelqu'un d'ailleurs disait en parlant de l'émission que potentiellement, est-ce que vous étiez plus stressé ? J'ai eu l'impression d'avoir une perte de spontanéité, en tout cas un petit malaise en début d'émission. Avez-vous ressenti la même chose ? Alors, le début était un peu laborieux. Moi je trouve mais... c'était un peu laborieux mais parce qu'il y avait aussi Poulpe qui avait 42 fièvres. Il avait vraiment 42 qui... fièvres. Voilà, qui et puis bah ouais, c'était un peu laborieux mais je pense j'ai pas l'impression que c'était dû au stress tellement. Non, je pense qu'en fait c'était un truc qu'il faut savoir avec les invités, parfois c'est faut les mettre à l'aise, ce qui est normal, tu vois, c'est il faut savoir que dans toutes les émissions c'est pareil et que il y a que les gros showman qui en font tout le temps, qui rentrent dans une salle, font trois saltos arrière et machin ouais. Et tout. Quand t'arrives dans une salle que tu connais pas trop, que tu connais pas forcément le public, parce que Yvick et Poulpe, je pense qu'on a grosso merdo des publics similaires, mais c'était pas le public du Floodcast. Il faut, ouais, t'arrives et tu découvres un peu le truc et machin. Et moi en plus, je suis pas Jimmy Fallon quoi. Donc l'idée c'est ouais. Que effectivement, j'essaie de tirer les vers du nez de trucs, mais je n'ai pas la spontanéité, j'ai pas le ressort pour, voilà, pour que le truc soit direct chambé. Ouais, ouais. Et il faut savoir que c'est le cas dans tous les floodcasts en fait. C'est-à-dire que oui. Moi je compte pas le nombre de floodcasts où au début effectivement ça rame un peu. Oui. Et parfois les meilleures émissions qu'on a faites elles commencent comme ça. Je me souviens de certains épisodes, je dirais pas lesquels, mais ouais au début c'était des fois bon bah voilà, et le truc c'est que je remontais un peu le truc ou voilà ouais, ouais. Des trucs comme ça. Et ce qui faisait que l'émission était un peu plus comme ça. Là après. Moi, effectivement, moi, j'avais un truc de. Moi, je, en le réécoutant, je m'en suis rendu compte d'ailleurs. C'est, je respire extrêmement fort au début. Okay. Il y a vraiment un truc où tu entends. Bon, bah voilà. Ouais. Mais c'est pas parce que j'étais stressé, c'est parce qu'en fait, quand vous entendez la musique au début, moi, je courais partout sur la salle donc, ouais, ouais. Pour essayer de chauffer le public. Et en fait, bah, j'ai un cardio plutôt nul. Et, mais voilà, mais je trouve que justement, ce que j'ai kiffé, c'est que Poulpe avec ses 45 de fièvre et Yvick. Alors, 45, était... il serait vraiment mort. Décédé, ouais, c'est ouais. 42 de fièvre. Et Yvick, qui était un peu stressé au début. Au final ils nous ont tenu des anecdotes trop bien et oui, je trouve oui. Que c'est les 10 premières minutes peut-être, mais une fois que c'est lancé c'est chambé quoi, tu ouais, vois, ouais. Donc, enfin c'est chambé, les invités je les ai trouvés chambés quoi ouais. Donc non pas cette impression, mais effectivement au début il y a toujours un petit temps pour que les gens se sentent à l'aise, mais c'est comme toutes les conversations quand vous avez invité des gens chez vous. Vous partez pas tout de suite de votre vie, quoi. Oui, ça c'est parle clair. De ah putain, on a galéré à venir hein. Ah putain avec les métros là, voilà c'est une conversation ouais. Normale, et vu que Floodcast a toujours eu la volonté d'être une conversation normale, ça passe par ça aussi. Avez-vous été satisfait du public ? Bah ouais, de ouf. En fait, le truc, c'est... Enfin, on a parlé souvent dans le Floodcast de est-ce que j'ai envie de faire de la scène et tout ça. Ça n'a pas du tout été posé par les gens. Bien sûr. Bon, j'y ai déjà répondu, moi, en story. Non, mais on va en parler là. Oui, on va en parler. Mais bah, c'est vrai que tu peux pas rêver mieux comme premier public. C'est même presque trop facile en fait, mais c'est genre des gens qui sont complètement acquis à la cause, qui, enfin, et en fait le truc, ce qui était génial, c'était vraiment de, bon moi j'étais pas hyper stressé avant, j'avais la micro boule au ventre, mais normal quoi, mais j'étais pas en train de me chier dessus, enfin voilà. T'as chié mais dans les toilettes quoi. Voilà, j'ai chié au sol, éclaté au sol. non mais en fait moi quand j'étais derrière le rideau à faire la voix de la marionnette de Panacloc là, et en fait j'entendais, je sentais le public qui était mort de rire, qui était à fond et tout, et en fait là il y avait zéro, enfin il y avait plus de stress du tout quoi. Ouais. Avant même de commencer c'était genre bon bah voilà c'est bon c'est parti quoi, en fait avant même de commencer voilà c'était le public il m'avait déjà rassuré en fait quoi, et donc oui le public il était enfin c'est ah, il était super, le public applaudissait les vannes, Moi, quand j'ai réécouté, quand j'ai remonté l'épisode un petit peu, enfin quand j'ai placé les bips ou les conneries comme ça, j'ai vraiment eu des frissons de ah oh, putain, ils étaient vraiment. Parce que des fois, tu le sens hein, sur scène, mais de le rentendre, c'est trop kiffant quoi. Tu dis ah ouais, c'est cool, il était réactif. Ah oui, grave. Donc, on a eu beaucoup de chance, on a eu un public vraiment super. Après, je me dis putain, attends, vu comment c'était une galère de choper les places, c'était des gens chauds quoi. Donc, oui, oui. Et du coup, c'est trop bien quoi. C'est, on a vraiment pris un public, enfin, on a vraiment eu un public. Pour ça aussi, moi, je m'étais quand même mis des petites lanières de sécurité, tu vois. Je m'étais, quand j'ai mis le sketch de Pestel au début, c'était aussi un truc pour vérifier, ok, ça va rigoler, tu vois. Moi-même, voilà. C'était pas pendant la marionnette, mais c'était pendant ce sketch-là. Je me dis, ok, si ça rigole à ça, normalement, ça c'est va bon, aller. Ouais. Et j'avais préparé exprès une espèce d'intro qu'on fait des caisses pour entendre bien le public hurler et me donner de la force, comme disent, ouais, ouais. Comme disent les frérots. Tout à fait. Et donc, du coup, j'avais un maximum de ce fort. Et donc, du coup, oui, ça m'a mis du bien. Et c'est pour ça que même le début, quand il y avait les invités, était d'un coup un peu plus. Parce que d'un coup, là, c'est le silence. On t'écoute, on fait vas-y, ouais. Parle. Il n'y a plus ouais. Le côté genre, vous êtes chaud. Ah ouais, ça se voit, on fait les cons, on est une marionnette. D'un coup, on va parler vraiment et c'est plus écrit. Et là, ouais. Effectivement, il y avait un petit truc de ok, bah, on va essayer de faire en sorte que. Mais heureusement, Yvick et Poulpe étaient parfaits, donc du coup, on n'a pas eu de galère à ce niveau-là, quoi. Mais non, public extraordinaire, et même public parce que je parlais de la personne qui disait que ça manquait de vidéos et tout, mais on a eu beaucoup de messages de gens qui ont kiffé l'audio, enfin les gens ouais, qui ont écouté le podcast, et merci pour ça. Hein, on était ouais, ouais. En vrai, c'était oui, très oui, cool. Parce que c'est vrai que là, on parle la personne qui a dit un truc négatif, mais on a eu plein de retours positifs, on est ouais, ouais. Content. Enfin, c'est sûr que ça ne nous empêchera pas d'en faire d'autres. Comment ça se passe de réserver le Bataclan? Est-ce qu'on appelle pour dire si vous avez de la place à telle date? Bah alors c'est con, mais c'est quasiment ça. C'est plus eux qui nous ont dit on a des places telle date. Quand est-ce que vous voulez? Et donc on avait ce 21 octobre qui était parfait pour nous, qui était suffisamment longtemps pour qu'on prépare un truc et en même temps pas trop longtemps pour qu'on ait la flemme. Ouais, voilà. Et, ouais. Et c'était super. Et le Bataclan, faut savoir ce qui est trop bien, c'est que tu vois, on parlait du public chaud. Mais la salle est vraiment bien faite, je trouve, elle à ce niveau-là, super, parce qu'en fait, elle est très large, et du coup, elle n'est pas très profonde. Non, ce qui fait que tu vois le fond de la salle, ce qui du coup est moins impressionnant. Tu dis, ok, je vois les derniers rangs, mais il y a quand même beaucoup de monde. On était quand même face à 1200 personnes. Ouais. Donc, mais tu sens pas, en fait. Il y a vraiment un côté, tu as l'impression d'être dans une petite salle confidentielle, mais il y a quand même 1200 personnes. Quoi. Exactement. Et ça, c'est pour ça, c'était super cool. Et puis en plus, le staff du Bataclan a été. Enfin, elle était formidable, ouais. Quoi que ce soit. L'image et son, d'ailleurs, je vais le dire maintenant, je vais en profiter parce que j'ai complètement zappé à la fin dans l'émotion du spectacle et tout. Mais donc, je remercie évidemment Florence, mais aussi Lucie, Manon et tous les gens qui étaient avec elle, l'équipe du Bataclan. Il y avait Fred qui était aux lumières, Adrien au son, Pierre Lapin pour les photos, évidemment. Magnifique photo qu'on a bien mis partout parce qu'elles étaient trop belles. Cyril à la régie générale et à Thomas qui a géré le matos. Et Antoine n'était pas tout seul, parce qu'il y avait aussi Chloé voilà, qui faisait la régie. Voilà, je le fais là parce que je ne l'avais pas fait comme une grosse merde sur scène parce que j'étais plein d'excitation. justement, on parlait des gens qui nous ont aidés. Quel était précisément le rôle d'Antoine de 2 heures de perdu dans la préparation et la production de ce live? Qu'a-t-il fait au juste en termes techniques, prépa, nanana, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait, Antoine? Alors déjà, il faut le dire, c'est-à-dire que sans Antoine, il n'y aurait pas eu ce live au Bataclan. Ouais. C'est-à-dire qu'il a donné l'idée, tout simplement, ce qui est déjà beaucoup, ouais. Et nous a accompagnés pour le mener à bien. Il faut savoir que, en gros, tout ce que vous avez vu sur scène, même si Florence était là pour nous aider du Bataclan, pour nous donner les réponses à nos questions, n'ont été faits que par moi, Adrien et Antoine. C'est-à-dire qu'on n'était que trois pour gérer tout ce projet. C'est très peu, en fait, de gérer les invités. Sachant que moi, j'ai vraiment. Et toi, t'étais quasiment sur le tournage pas là. Quoi, de ta série, donc c'était un peu une galère. Et donc, du coup, c'était beaucoup Antoine et moi. Et on a géré tout ça tous les deux. Avec un peu l'aide de Chloé, mais en vrai, elle nous a déjà tellement aidé sur la régie qu'en fait, la prod, on était vraiment que tous les deux. Et ça, je le dis parce que à l'heure des le podcast intéresse de plus en plus les gens, les chaînes, les comment on appelle ça, les networks entre guillemets, ouais. Tu vois, les trucs comme ça. Là, c'est vraiment 2-3 gars qui ont fait ça tout seul, quoi, et qu'on fait un spectacle dans une des plus belles salles parisiennes. Donc ça, moi, c'est vrai que j'en suis assez fier, parce que on l'a fait en total indé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est quand vous allez voir un concert, quand vous allez voir un spectacle, même un petit spectacle, il y a toujours 2-3 logos de sponsors, il y a toujours voilà. Oui. Nous, on l'a fait vraiment tout seul. C'est Adrien qui a fait l'affiche, on l'a partagé sur nos réseaux sociaux. C'est vraiment fait à la main. C'est vraiment, on a retroussé les manches, on a fait ça, et c'est vrai que politiquement, Antoine et moi, et je pense qu'Adrien Adrien est un peu comme nous, on se retrouve dans cette façon de faire ouais. du podcast. Et nous, il faut le dire, on a refusé des offres pour professionnaliser l'émission. Et du coup, je suis trop fier, je trouve que c'est un superbe pied de nez de dire, bah voilà, parce qu'on n'en a pas besoin, quoi. Voilà. Autant je suis pas du tout comme ça pour la création audiovisuelle, je suis beaucoup moins François Ruffin quand il s'agit de faire des sketchs, des séries ou des films. J'ai bossé avec des grands networks de télé, mais c'est vrai que pour le podcast, on garde ce truc fait main et on a réussi, quoi. Et Antoine, il a tout fait, c'est-à-dire qu'Antoine, il a fluidifié mes rapports avec le Bataclan parce qu'il les connaissait bien. Donc moi, j'ai quasiment pas parlé en fait à l'équipe du Bataclan. C'est tout Antoine qui a géré. Antoine a avancé l'argent. C'est-à-dire que je n'ai pas eu à mettre un centime pour cette soirée. Et il faut savoir qu'une salle comme le Bataclan, alors je ne crois pas que j'ai le droit de dire le prix. C'est 1000 balles. C'est vraiment beaucoup plus. Mais ce qui est normal, hein, c'est une grande salle. Mais du coup, tu payes une grosse salle parisienne. Il est allé de la poche de sa boîte. Enfin, c'est-à-dire qu'Antoine a vraiment fait... Sa boîte a une poche. Hein, sa boîte a une poche. Sa boîte a une poche, on dirait vraiment une chanson de Bobby Lapointe. Hein. mais donc voilà, donc Antoine, sans Antoine, il n'y aurait pas eu toute cette soirée. Et Antoine serait fou de produire des podcasts en live, en indé total, sans avoir le besoin de personne et de motiver du monde, que ce soit avec nous, avec 2 heures de perdu et peut-être avec d'autres, qui sait. Mais pour dire à quel point Antoine il était impliqué dans le truc et à quel point c'était vraiment, il n'y avait pas beaucoup de monde. Moi, en fait, en arrivant pour les répètes l'après-midi, je me suis rendu compte que j'avais les chaussures que je mets quand il pleut, mais qui sont des chaussures qui respirent très peu et dans lesquelles je sue. Et du coup, j'avais envoyé un message à ma copine en lui disant « Ah, quand tu viendras, est-ce que tu pourras m'amener telle paire de baskets, s'il te plaît ?» Et c'est Antoine qui est allé chercher mes baskets dans les mains de ma copine, dans le public, pour me les ramener. Enfin, le mec fait à la fois la prod et met la thune et tout, et à la fois va chercher mes chaussures dans un sac dans les mains de ma copine. Donc c'est vraiment, il a vraiment fait beaucoup. Et c'est pas son seul. Enfin, il commence dans ce métier en fait. Enfin, oui. Quasiment, c'est pas son métier de tous les jours. Et il a même viré des mecs et tout. Il a fait de la sécurité. il a fait une prise du sommeil à un gars qui était un peu bourré. Ouais, et tout. Il a servi les cocktails au bar. Ouais, enfin, ouais, il a assuré. On rigole, mais moi, il m'a beaucoup aidé à la mise en scène, par exemple, parce qu'en fait, effectivement, moi, j'avais vu les lives de 2 heures perdues. Et c'est vrai qu'il m'a dit, alors pour la mise en scène, on peut faire plein de trucs. Hein. Franchement, j'ai vu 2 heures perdues, je trouve ça chambé. Moi je vous copie, c'est la même chose, hein. Enfin, ouais. On met 4 tabourets, 4 petits trucs, pupitres et on est très bien, hein. Et sur la lumière et tout, c'est lui qui m'a aidé, il m'a dit voilà, si on peut faire des trucs comme ça, jusqu'au dernier moment. Et aussi il a géré les invites, dans le sens les invites, ouais, de nos copains qui venaient s'asseoir dans le public, quoi. Et ça, faut savoir que c'était le truc le plus chiant à organiser, ouais. Parce qu'en fait moi j'ai merdé sur la moitié des trucs, j'ai zappé les plus 1, les plus 2, les plus merde, et donc du coup Des gens qu'on a oublié d'inviter. Ça s'est fait tellement vite, en fait. Ça s'est fait tellement à la rage totale, ces trucs-là. Parce qu'en plus, il y a ce truc où, en vrai, tu crois que t'as pas d'amis. Et sauf qu'en fait, quand tu commences à vouloir inviter, tu fais en fait, non, il y a plein de gens que j'ai envie qu'ils soient là. Et moi, au début, Antoine, il me fait non, mais t'as 70 invites. Et je fais bah, ça va. Il me dit, tu sais, ça part vite, hein, fais gaffe. Et je dis, non, 70, c'est très bien. Et je m'étais dit, bon, bah les couilles, j'en ai 70, je ferai ça la semaine avant. Ouais. Et en fait, ça a été un fiasco total. Et d'ailleurs, j'en profite pour m'excuser pour tous les gens que j'ai pas invités ou tous les gens qui se sont retrouvés. Il y a eu la Enzo qui faisait de la musique avec mon frère en première partie, qui a gentiment fait ça, n'a pas eu de place assise et a dû rester debout au bar. Donc ouais, ça a été des merdes totales à ce niveau-là. Et Antoine a dû gérer tout ça. Et en vrai, c'est très très bien démerdé parce que personne n'a été mis de côté. Et je dirais quasiment tout. Hein ? À part Enzo, quoi. À part Enzo. Non, mais quasiment tout le monde a eu une place assise. Et donc ça, c'était trop bien, quoi. La petite anecdote que j'ai par rapport à Antoine et ma meuf, c'est-à-dire qu'en fait, Poulpe est arrivé devant le Bataclan. Et il faut savoir que le Bataclan, pour les raisons que vous imaginez, en termes de sécurité, c'est très renforcé. Ouais. Et donc du coup, la porte de derrière, en fait, l'entrée des artistes, est très difficile d'accès. Il faut toujours qu'il y ait un gars de la sécu qui vous ouvre, parce que sinon, c'est relié à une alarme. Et donc du coup, voilà, bref. Donc c'est un peu une casse-couille. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que Poulpe est rentré par l'entrée, sauf qu'en fait nous on voulait que ce soit secret l'arrivée de Poulpe. Donc ouais, en fait il était à moitié caché, il essayait d'entrer, il avait donc 42 fièvres et il faisait un peu froid le 21 octobre. Et donc du coup c'était un peu une cata, quoi. Donc il attendait, il essayait d'appeler Antoine était sur 1000 doses. Moi j'étais pas vraiment sur mon téléphone non plus parce que c'était genre 20 minutes avant le live, je crois. Ouais. Donc c'était vraiment un bordel. Et donc je dis à Antoine, il y a Poulpe qui est à l'entrée, faut le faire rentrer et tout. Donc il court, alors qu'il venait de récupérer les pompes d'Adrien, enfin bref, il court pour aller ouvrir et il fait rentrer. En fait, il y avait aussi ma meuf, donc qui travaille avec Poulpe, et les deux frères de ma meuf qui m'avaient demandé des places. Bon bref, ils rentrent tous, machin, et on débrief 3-4 jours après le Bataclan. On débrief un peu, quoi. On dit, ah, ça c'était facile, c'était dur. Il fait, ah, moi ce que j'ai eu du mal à gérer, c'est Poulpe qui ramène avec toute sa smala, genre avec. je crois qu'il dit avec ses berlinois ou je sais pas ce qu'il dit, tu vois, un truc comme ça. Je fais ha ha ha, connard, c'est ma meuf. Il fait mais non, elle fait 3 mètres de haut, elle était habillée genre avec un espèce de truc de carte qui pend jusqu'au. Je fais arrête, c'est ma meuf. C'est vraiment une blague de Friends, ça. Ah ouais. Quand la sœur de Rachel arrive et elle voit Ross, elle lui dit « Ah, t'es complètement différent du vieux nerd qui lui courait après tout le temps. » Il fait « Ouais, c'était moi. » Il fait « Mais non, un vieux geek horrible et tout, qui était amoureux d'elle et tout. » C'était moi. Et vraiment, en plus, ce qui est drôle, c'est que je lui dis, donc je fais « Ah, il fait « Ah, putain, je suis un crétin et tout, machin, machin. » Et je fais « Et surtout, ma meuf m'a dit qu'apparemment, tu lui avais mal parlé. » Parce qu'en fait, effectivement, ma meuf m'avait dit « Putain, le gars à l'entrée, je sais pas qui c'est, mais faudra le virer. » Genre, elle croyait que c'était un gars de la billetterie, quoi. Il nous a très mal parlé, quoi, alors que Poulpe, il était... Enfin, genre, je suis ta meuf, ouais. Et tout. Et elle a pas voulu dire « Je suis quand même la meuf du gars qui s'enseigne, tu vois. » Elle a fait « Non, mais pas de soucis, machin, et tout. » Et donc, je fais « En plus, apparemment, tu as mal parlé. » Et genre, ils lui ont envoyé un message sur Insta trop gentil, genre « Je suis désolé, apparemment, je t'ai mal parlé. Je suis désolé. » Bon, bref. Donc, il a été un amour. Mais évidemment que je ne t'en veux pas, Antoine, puisque tu as géré tellement de choses. Et évidemment, si on fait d'autres lives au Bataclan, ou même peut-être ailleurs, j'en sais rien, nous, on veut garder Antoine avec nous parce qu'il il a été trop fort. Et puis la nouvelle caisse maintenant, il a une super caisse. Énorme bagnole. Une Alfa Romeo, non ? Je t'ai plus. C'est un truc un peu du futur. Tu sais, c'est le truc avec les phares qui se lèvent là. Ah bon ? Ah non, mais c'est un truc de malade. Ouais. En fait, c'est une voiture du futur, du passé. Bah ouais, c'est bien. Ça, c'est rétro-futuriste un peu. Oh là là. Je connais les termes. Bon, par contre, Antoine, mais tu vas faire un trou dans la couche d'ozone de la taille du Texas. Exact. Comme dirait Tony Parker. Non ! Ah, bienvenue dans le Texas. Bienvenue dans le Texas. Ah non, c'est. Putain, c'est la Croatie, c'est ça. C'est dans Bienvenue dans le Texas. Ah oui, un où, steak. Où il dit je vais manger des steaks gros comme la Croatie. C'est dire la taille du steak. Autant vous dire que c'est vraiment pour la rime. Hein. Je sais plus ce qu'il dit avant. Peut-être le mot aussi. J'ai un texto de Simon Assier qui dit je vous entends les mecs. Attention comment vous parlez de Tony Parker. Waouh. Wow. Live du Floodcast, c'était trop bien. Avez-vous peur que certains happenings du spectacle, l'entrée d'Eléonore par exemple, foire ou se passe mal? J'ai choisi cette question parce que moi, c'était. Alors c'est vraiment l'idée d'Adrien. Et moi, jusqu'au moment, j'ai fait. On est sûr de ça, hein, donc parce que j'étais un peu terrifié que ça marche pas. En fait, le truc c'est que on savait qu'on voulait une chanson, on voulait une chanson qui nous défonce. Bah, ça c'était un peu sûr. Oui, mais c'est, j'avais dit ça serait marrant que ce soit quelqu'un qui chante et qui dise, enfin tu vois, qui. Mais le truc c'est ce que donc ça c'était l'idée que je t'avais donnée que voilà on avait trouvé cool. Et dans un deuxième temps, je m'étais dit ce qui serait marrant. C'est que pour justifier un peu que la personne nous défonce, qu'on fasse ce truc où elle arrive avec les invités et on lui dit ah bah non, non, il y a un malentendu, t'étais juste là pour la chanson et tout. Et c'est vrai que moi je. Bah, en vrai, ça a marché, ça a ri et tout. Non, ça a marché. Ça a marché, ça a marché. Mais c'est vrai que toi, tu flippais un peu que ce soit chelou, que ça marche pas, quoi. En plus, l'autre truc qu'on a eu, alors on va y revenir plus tard, mais c'est qu'Eléonore s'est retrouvée être la seule meuf de la soirée, ce qui n'était pas du tout prévu. Ouais. Et du coup, ça faisait un peu d'un coup la seule meuf. Ouais, on la défonce. Au début, ouais. Et en fait, ça, je m'en suis rendu compte. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon ? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là ? Il faut partir maintenant. Hein ? Ah bon ? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. En live, en fait. C'est-à-dire que, en fait... Au moment où je lui disais tu vois bien qu'il n'y a pas de place et tout, je me disais putain, vraiment on commence le spectacle en jartant la seule meuf qui met à peine un pied sur scène et on lui dit dégage et tout. Donc je me suis dit ça, après je me suis dit c'est bon, elle va nous défoncer après. Donc, sur les paroles en plus, il faut savoir que tu n'étais pas trop au courant des paroles, tu les as découvertes. Oui, voilà, je voulais pas les savoir les paroles pour. Ouais. Mais moi j'étais assez confiant. J'étais assez confiant sur que ça allait marcher. J'ai suivi Adrien. Mais vas-y, c'est le moment d'en parler justement parce que Eléonore a été super cool en fait. Eléonore, à la base, n'était censée faire que la chanson. Faut savoir que quand on a commencé, alors je dirais aucun nom parce que ça sert à rien et puis j'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise, mais et tous avaient des très bonnes excuses. Le line-up était pas exactement celui-là de ce qu'on avait prévu. Ouais. Il était celui-là à 50% à peu près. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait avoir à chaque fois un garçon et une fille, un garçon et une fille. Et Eleonore au début, au milieu, pardon, qui fait sa chanson. C'était un peu le but du truc. Et il s'est passé qu'on j'ai eu une invitée donc qui ne pouvait plus venir à une semaine du spectacle, donc où il a fallu se retourner. J'en suis très content parce qu'au final l'invité qu'on a eu était encore enfin était super, donc c'était trop bien. Et une autre invitée le jour même, 3 heures avant qu'on enregistre, en fait nous a dit 4 heures avant qu'on enregistre, nous a dit en fait je suis malade et j'espérais que ça aille mieux, vraiment sincèrement, mais j'ai la crève quoi. C'est quelqu'un qui fait du stand-up et qui du coup jouait en plus le lendemain et donc s'était dit je vais pas forcer le soir même pour que je sois encore plus malade pour mes représentations payantes alors que je viens vous voir. Mais qui très gentiment nous a dit si vous voulez quelqu'un d'autre, je peux vous trouver plein d'invités. C'est quelqu'un qui était vraiment dans le stand-up et qui avait plein de gens qui étaient prêts à remplacer. Moi, je lui ai dit, avec Antoine, on lui a dit écoute, en vrai, nous, on voulait toi. On n'a pas de. Elle nous proposait surtout des garçons, donc on avait déjà suffisamment de garçons comme ça. Et donc, du coup, je lui ai dit écoute, non, prenons. Elle nous a dit je peux dormir 3 heures et je vous dis comment ça va juste avant le spectacle, mais franchement, je vous promets rien. Quoi. C'est quoi, on prend le risque, voilà. Et avant le spectacle, elle allait pas mieux. Donc on lui a dit tant pis, t'inquiète pas. Et donc Eleonore, je suis allé la voir alors qu'elle répétait sa chanson. Donc là, à ce moment-là, je vous dis, on est vraiment très peu de temps avant l'ouverture des portes. Hein. Ouais. Je lui dis, est-ce que tu veux bien remplacer tel invité? Parce que en étant tout à fait sincère avec elle, hein, en disant voilà, je suis désolé, elle nous a lâché parce que la pauvre est malade. Est-ce que tu peux la remplacer? Et elle a gentiment accepté. Ouais, trop bien. Et c'était trop bien de savoir. Et elle a été super en plus parce que Baptiste, c'est quelqu'un qui prend de la place et qui parle fort et qui machin. Et elle a super bien géré face à lui parce que il faut réussir quoi. Ouais. Mais tout ça pour dire que parce qu'on nous a dit et à juste titre que c'était quand même beaucoup des garçons et tout, c'était pas prévu à la base, mais c'est encore vrai. Une fois, moi je suis pas un bon producteur, c'est des trucs que j'aurais dû penser pour la prochaine fois, d'avoir déjà des plans B au cas où, parce qu'effectivement à une semaine du spectacle et encore plus 3 heures avant, tu vas pas appeler quelqu'un en disant tu veux bien jouer devant 1200 personnes ce soir, tu remplaces une personne qu'on voulait à la place de toi, bien sûr. C'est extrêmement délicat et surtout oui pas agréable pour la personne quoi. Moi on me fait ça, je pense que je le prends un petit peu mal, quoi. Donc, je comprendrais qu'on le prenne mal. Donc voilà, c'était un des ratés du live. Mais encore une fois, semi-raté, parce que je trouve que l'émission, tous les invités qu'on a eus étaient parfaits. Et on essaiera de faire plus attention à la prochaine. Mais en tout cas, il faut savoir que c'était pas intentionnel du tout. Et pas non plus non intentionnel dans le sens oh zut, c'est vrai qu'il y a plus de garçons que de filles. On en avait conscience. Mais c'est juste, on a géré comme on a pu. On nous demande aussi à quand un crossover ultra ambitieux avec d'autres podcasts sur scène. Alors c'est un peu tôt. Moi c'est ce que... Moi le concept de crossover de podcasts, je vois pas trop comment, même pas sur scène en fait, je vois pas trop. Enfin genre, on a été invité à 2 heures de perdu par exemple, mais c'était pas un crossover, c'était juste on était invité et on a fait un 2 heures de perdu quoi. Donc, oui, on a pas fait un floodcast 2 heures de perdu, puisque c'était le concept de 2 heures de perdu avec nous dedans, quoi. En fait déjà le truc c'est que le floodcast, il y a pas de concept. Oui. C'est vraiment en vrai le seul crossover qu'on pourrait faire c'est avec les grosses têtes parce que c'est plus ou moins la même émission. Oui, c'est ça. Non mais le truc c'est que c'est genre nous qui disons des conneries quoi. Donc dans ce cas-là effectivement si vous nous invitez à n'importe quel podcast, ça va être un crossover. Enfin si on prend des choses comme ça, mais je vois mal comment on peut faire un crossover floodcast avec un autre truc à part nous inviter puis oui voilà, puis enfin je vois pas trop comment ça peut se faire un crossover. Mais si vous voulez nous entendre participer à d'autres podcasts, on a fait plein de choses. Adrien et moi, alors séparément, on a fait À bientôt de te revoir de Sophie Marie Laroui. Toi, t'en as fait plusieurs. Ensemble, on a fait Tales from the Click là, il y a pas si longtemps. Enfin, We Love TFTC de JB. Et même toi, t'as fait d'autres podcasts. Je t'ai vu que t'étais invité. Oui, on a fait nous deux aussi. On a fait Nouvelle École, Feu Nouvelle École. Mais pareil, séparément, chacun. Voilà. Voilà. Donc on fait nous des podcasts quand on nous invite et que le sujet nous parle, on vient quoi. Ouais. Mais effectivement, en live, ça me paraît peut-être un petit peu tôt déjà. Et je crois pas que moi ça m'excite de ouf. Voilà. Non, je vois pas trop comment ça pourrait exister en fait, un crossover comme ça. Non, et puis en plus, la personne proposait plein de noms. Et franchement, alors pour être tout à fait honnête avec vous, moi je connais pas beaucoup de gens dans le podcast game. Et même je n'en écoute pas beaucoup, donc il y a même pas un truc où je pourrais te dire eux je les aime bien, donc s'ils m'invitent avec plaisir. Je n'écoute, alors c'est vraiment une phrase de PNQ, mais j'écoute quasiment que des podcasts en anglais. Et les podcasts français que j'écoute, en vrai, c'est Augustin Trapenard et Edouard Baird, donc des trucs de France Inter, de radio. Donc j'écoute assez peu de podcasts français, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, mais si jamais on est invité chez des gens, on ira avec plaisir. Et le podcast nous plaît. En plus, on est quand même premier sur Spotify, on va peut-être pas s'abaisser à aller copiner avec des gens qui sont peut-être 15 places en dessous de nous, quoi. Après, voilà, notre lumière, on peut l'offrir à des gens. Oui, voilà, on peut booster quelques personnes. Quelques carrières. Moi, je serais OK pour devenir le Jay-Z du podcast, hein, y a aucun souci. Faire un feat dans votre. Moyennant finance, faire un feat dans votre podcast pour vous propulser. Non, mais voilà. Y a aucun problème. Par pure charité chrétienne. On envoie de la force. De la force, s'il te plaît. possible d'avoir le fichier de l'excellente affiche du Bataclan qu'Adrien a dessinée? Ça je l'ai dit. Les gens voulaient qu'on la vende même carrément à l'entrée. En fait, ça c'était avant-hier. J'ai fait un question-réponse en story et quelqu'un qui disait est-ce que vous allez la vendre. J'ai dit non, mais par contre, je peux vous filer le fichier si vous voulez la faire imprimer. Les gens ont majoritairement voté oui, donc je vais le faire. Dès que je l'aurai mis quelque part, je le filerai. Si tu as le temps, je le fous en description aussi pour ceux que ça intéresse. Ouais. Enfin, tu vois, ou alors sur ton Twitter, ton Insta. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas de compte Twitter Floodcast. Non. Mais tu pourras le tweeter. Ouais, voilà, moi, on verra. Je tweete plus. Oui, mais on se dit, sinon en description. Oui. Les gens, ils regardent dans les descriptions. Franchement, si ça vous intéresse vraiment, vous allez voir et puis vous cliquez avec votre petite souris ou petite trackpad. Mais il y a des très bonnes boutiques qui font des impressions super. Bon, alors, nous, on aide les petits commerçants. Hein. Voilà. Alors, il y a eu un Floodgate, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont crié au complot et compagnie. Était-ce un vrai paix? Alors, il nous faut être transparent avec les gens, parce que j'ai vu qu'Élise Lucet était devant chez moi, donc j'ai obligé de le dire. Ce n'était pas un vrai paix. Ouais. C'était ton frère qui l'a déclenché à la manière d'un véritable DJ. Voilà. Théo l'emplace une pour toi d'ailleurs, qui a fait du très très bon travail sur ce live. Ouais. En fait, il avait plein de petits bruits sur son clavier. Le Michel Sardou. Je l'ai. Et il avait un paix. Il avait même trois paix. À tout moment, il pouvait utiliser. Il a fait un très bon choix de paix, on peut le dire. Oui. Et donc, non, effectivement, c'était. C'était un faux paix, mais moi, il faut savoir que sur scène. Sur le moment, j'ai cru qu'il avait vraiment pété, donc j'étais. Potentiellement, il a vraiment pété, mais juste il je était crois loin. Pas. Apparemment, il a vraiment fait un regard à Théo du genre balance un peu parce que j'ai rien. Mais moi, sur le moment, vraiment, j'ai cru qu'il avait vraiment pété. J'étais vraiment fou de joie, un peu déçu après quand j'ai appris que c'était un faux. Sachez quand même qu'on est à, je crois, 14 000 retweets sur le compte de Yvick, parce que tu sais, Poulpe l'a filmé et il l'a posté. Et on est à 14 000 retweets parce que c'est le compte Twitter d'Yvick, donc forcément. Et quelle fierté. Une très belle pub pour le Floodcast. Le Floodcast. Les gens qui vont. C'est la meilleure porte d'entrée finalement pour le Floodcast qu'un paix. C'est ça, parce que Kian, des fois, il est gentil quand il fait la promo, il fait il parle de la vie, il parle de machin, il est trop sympa de faire ça, mais en vrai, un bon paix d'Yvick, je trouve que ça plante aussi, tout aussi bien le décor. C'est vrai, mais en vrai, on est des êtres complexes. On parle aussi bien de trucs très très personnels. Non mais en plus c'est enfin en vrai moi j'ai pas mal de gens qui m'envoient des messages pour dire que c'est cool parce que justement on parle de trucs pas marrants des fois des trucs qui nous touchent nous et tout. Mais donc c'est vrai que moi je suis assez je vais pas dire fier mais je suis assez content de à la fois parler de sujets tristes et qui touchent qui nous touchent nous et qui du coup touchent les gens et les gens s'y retrouvent et tout et en même temps péter dans un micro je me reconnais à 100% dans ce grand écart qui est à la fois parler de la dépression et après péter dans un micro. C'est tout à fait moi, c'est un moule dans lequel je rentre parfaitement. J'en parlais avec Robinson qui est déjà venu dans un podcast qui est un ami à nous, mais comme c'était avec Baptiste on l'a pas entendu trop parler. Non mais ouais, avec Robinson qui est un copain à nous qui est auteur, avec qui on écrit Groom par exemple. Ouais, je lui disais en gros, ce qui me fait rire, c'est que si quelqu'un ne nous avait jamais écouté et rentre dans la salle du Bataclan, il peut vraiment se dire, mais je comprends pas, donc une marionnette c'est genre un peu beau fait ridicule, par contre péter dans un micro c'est le niveau 1 de l'humour. Genre je suis d'accord que de l'extérieur c'est un peu complexe, mais j'étais assez fier de ce truc là quand même. Mais Yvick était vraiment très heureux. Ouais, vraiment. Ah non, mais moi, il m'a envoyé un texto pour me remercier. Ce qui est quand même. Alors que c'est moi qui le remercie d'être venu si gentiment faire un podcast. J'ai avec vraiment nous. Cru qu'il allait pleurer de joie. Mais vraiment, réellement, quoi. Il quand était dans un état. Quand tu le réécoutes, il est vraiment heureux. Il est ému, quoi. Il a vraiment un truc de genre. Bah, je comprends en même temps, quoi. Mais moi, j'aimerais qu'on le réinvite et qu'il fasse un vrai quand même. Ouais, mais c'est pas sur commande, hein. C'est difficile sur commande. Hein. Ah ouais, bah, il l'a fait dans le Floodcast, quoi. Il le faisait pas sur commande. Il l'a essayé plusieurs fois. Oui, tout, alors par contre, on peut le dire, quand c'était chez nous, quand c'était dans l'émission, c'était que des vrais pets. Hein. C'était vraiment son cul plein de merde, hein. Attention. Hein. Oui. Est-ce que vous avez perdu de l'argent avec ce podcast ou est-ce que ça a remboursé? On a gagné un tout petit peu d'argent. Voilà, on l'a dit tout à l'heure. Alors, pas encore, moi, mais. Non. Ah, comment ça? Qu'est-ce que tu as dit là? Non, mais c'est. Qui t'invite? Non, mais voilà, qui vous invite à la télévision? Un floodcast au Bataclan pourrait-il devenir comme un cap dépassé par le podcast? Y aura-t-il des changements dans les formules des prochains floodcasts? Alors, moi, je vais être tout à fait honnête, et c'est pour ça que je suis content qu'on fasse cette espèce de sas de décompression. Mm. C'est vrai qu'après le live, je me suis dit, pas spécialement envie d'en refaire autour d'une table posée tout de suite, quoi, de floodcast. D'accord, quoi. Ok, ouais. Sur le moment, moi, j'étais tellement dans l'énergie de ce truc-là, ouais. C'est cool quand même. En live. Et de commencer à réfléchir à des invités, surtout qu'Adrien, donc en ce moment, est peu disponible parce qu'il tourne. Donc, j'essayais de trouver une émission. Bientôt fini, là. Oui, mais justement, à ce moment-là, je m'étais dit, en vrai, que ce soir, tu sois dispo, c'est trop bien, mais je m'y attendais pas. Je pensais vraiment devoir faire une autre émission. Et quand je commençais à essayer de trouver des gens dispo et tout, je fais, oh là, ça, je repars dans la tannée où. Ouais. C'est chiant organisé, mais c'est même pas pour un spectacle dans une grande salle. Oui, bien sûr. Mais en vrai, je suis content qu'on fasse ça parce que là, ça me de refaire un podcast quand, entre nous, ça redonne envie d'en faire d'autres. Ouais, bah oui. Et on a plein d'invités prévus là bientôt. En fait, c'est le hasard fait qu'on a plein de potes en promo en ce moment. Et donc, du coup, à chaque fois, je leur dis, vous savez, nous, vous venez faire de la promo chez nous, on joignait l'utile à l'agréable. Ouais, carrément. Donc voilà, on va avoir plein d'épisodes là bientôt, ça va être super cool. Question, alors on va y venir, Adrien. J'imagine que c'est la question que les gens ont posée, puisque toi et le stand-up, qui est un peu un truc que les gens attendaient que tu viennes sur scène, tu l'as déjà plus ou moins dit, mais est-ce que ça t'a motivé? Est-ce que ça t'a donné du courage? Ouais, bah ouais, tout bêtement, oui. Après, voilà, j'ai bien conscience que je vais, malgré tout, parce que là, moi, je me suis senti vraiment très à l'aise sur le floodcast en live. Pour moi, j'étais vraiment comme si on était chez toi. Ouais, complètement. Voilà. Pareil. J'étais vraiment à l'aise. J'ai bien conscience que je serais pas à l'aise comme ça du tout en faisant du stand-up. Déjà, je serais tout seul. Je serais pas de face à un public qui est complètement à 100% acquis à ma cause. Exactement. Y aura une bonne partie, voire peut-être tout le monde qui me connaîtra pas. Puis c'est pas le même exercice non plus. Oui, là, ce qui est assez cool dans un podcast, c'est que tu rebondis sur des trucs. C'est voilà. En fait, c'est, imaginez ça comme si on vous donnait plein de matière à faire des blagues, alors que si t'es seul sur scène, bah, c'est toi qui dois créer la matière. C'est quand même un autre débat. Voilà. Mais le truc, c'est que là, je sais que je peux être. En fait, c'est comme si j'avais fait un bond dans le futur de. Bah voilà, si je fais du stand-up et que ça marche. Et que y a des gens qui me suivent et à qui ça plaît, etc., etc. Ça sera comme ça. Donc, tu vois, avec un public qui m'aime bien, qui rit à mes blagues et je suis à l'aise et tout. Donc, j'ai eu un aperçu de ce que ça pourrait être. Du coup, c'est motivant. Puis juste de me dire, parce que malgré tout, voilà, 1200 personnes, j'aurais pu me chier dessus. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, j'étais à l'aise sur scène et je me suis dit, bon bah voilà, je suis pas, je peux être à l'aise sur scène, c'est faisable, quoi. Donc il y a vraiment, oui, ça m'a un peu motivé, quoi. Question alors beaucoup moins intime, mais qui est assez intéressante, qui demande si vous faites des prochains lives, est-ce que vous prévoyez de l'interaction avec le public? Alors c'est quand même un gros exercice, hein, l'interaction avec le public, et c'est la roulette russe. C'est-à-dire que nous, on a fait des interactions en Skype déjà plusieurs fois, sur le Discord, en Skype, je suis un peu monsieur, via le Discord, on appelait en gros des auditeurs, et des fois c'était chômé. Et des fois, c'est un petit peu plus difficile, ce qui est normal. Enfin, franchement, je blâme pas du tout les gens qui nous ont appelés. Au contraire, déjà, il faut du cran pour le faire. Mais effectivement, c'est un petit peu difficile. Donc, moi, je sais ce que fait Kevin Smith, j'aime bien. C'est-à-dire que les gens achètent leur place et reçoivent un mail et peuvent genre poser leurs questions ou raconter leurs anecdotes d'abord en amont. Comme ça, d'accord, moi, j'ai un pré-truc. Et si je trouve ça bien, intéressant, machin... ils peuvent le faire dans le public ou moi je raconte l'anecdote de la personne qui est dans le public, donc du coup c'est un peu cool, c'est un peu il y a de l'interaction avec les gens sur scène, mais de faire parler des gens dans le public, c'est pas du tout gérable en fait. Mais même de très grands humoristes ne le font pas parce que c'est une tannée. Moi j'écoutais en ce moment, la dernière fois j'écoutais un podcast, une interview de Judd Apatow qui dit à un moment il avait un truc où il faisait monter quelqu'un sur scène et à chaque fois il arrêtait de le faire parce que les gens voulait lui le faire rire lui et ça marchait pas, du coup ils avaient l'air ridicule, du coup les gens du public se foutaient de sa gueule. Lui il voit que le public écoute moins, donc ils se sont obligés de les vanner la personne sur scène parce que sinon personne rigole et c'est une catastrophe. Et donc bref, c'est un enfer à organiser et en plus on n'est pas comment dire, on sait pas ce que va dire la personne. Ouais, ouais. Ce qui est déjà même en vrai, moi je vous le dis, un stress quand t'as des invités et qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice dans le podcast, tu sais pas ce qui va être dit en public. Ouais, quand ouais, même, ouais. Tu vois, quand Baptiste commence à name dropper des gens du ouais. milieu, moi je suis un peu genre, ok, bon, voilà, j'espère qu'il va pas dire trop de merde. Et, ouais. et voilà. Mais c'est Baptiste, c'est mon ami, donc j'ai aucun souci à lui dire avant, ouais. ne fais pas ça, ou lui dire après, je vais biper ça, et il y a aucun malaise entre nous. C'est des gens du public, bah c'est pas mes amis, tu vois, c'est du public, donc je peux pas maîtriser ça. Ouais. Donc pour le moment, clairement, il en est hors de question. mais voilà, un truc un peu comme je disais de Kevin Smith, où c'est un peu préparé en amont, pourquoi pas. Mais bon, encore une fois, en n'ayant pas ça, on fait déjà 1h40 de show, donc on n'était pas besoin ouais. de rajouter des trucs. En tout cas, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que la chanson de fin sortira sous forme de single ? Non. Parce que on va pas. Pour la simple et bonne raison qu'on chante pas très très bien. Très bien, ça s'entend. Hein. Et c'est très bien à la fin d'un podcast. En fait, c'était la blague. Les gens restent rarement hein, jusqu'à la fin, mais moi, je mets tout le temps une chanson à la fin d'un podcast. Et donc, on restait dans cette espèce d'habitude. Il y a une chanson à la fin d'un podcast, mais c'est une chanson qui est drôle sur le moment, mais c'est pas un bon single. Oui, non. C'est, si c'est pour faire l'équivalent de Beau le lavabo, on va éviter quoi. Donc non, ce n'est pas du tout prévu. Et puis je pense qu'on peut se prendre un procès si on commence à essayer de demander. Oui, voilà, il y a un côté, peut-être que le mec à un moment. Parce qu'on dit son vrai nom. Voilà, on dit son vrai nom. On dit son vrai nom, on le cache pas le gars. Dans un live, machin et tout, je pense que ça va. Il y a l'exception, il y a la parodie, il y a des trucs comme ça. Mais de là à se faire de l'argent, à mettre en stream. Non, et non, donc, bien sûr, non, non. C'est pas l'idée. Puis même nous, enfin, le gars est pas bon, mais l'idée c'est pas non plus de l'enfoncer encore plus qu'il ne l'est déjà, quoi. Donc voilà. Voilà, bah écoute, attends, j'ai plus beaucoup de questions, je crois. C'est que des petits shouts là que je fais, mais qui demandaient si la musique d'Eleanor Coste était une performance de guitare réalisée en direct. Oui, c'est oui, elle oui, a joué sûr, avec voilà. Théo. Ils ont joué tous les deux à la guitare, ils étaient très bons. D'ailleurs, c'est elle qui a composé. Enfin, la musique, c'est elle. C'est elle a composé la zik. Elle était super. Tu lui as envoyé les paroles et elle a après instrumentalisé. Je suis venu chez truc. Elle avec les paroles. Je lui ai dit voilà, elle a pris sa gratte, elle fait bah je pourrais faire ça, mais vraiment littéralement le premier truc qu'elle a fait, j'ai fait ok, c'est bon. Ouais. Non, mais vas-y, on peut chercher d'autres trucs. Je fais non, c'est chambé, ça empiète pas sur les paroles, c'est rythmé, c'est, trop bien, c'est sympa. Et on a juste changé des mini trucs pour qu'à chaque fois le. Qu'il y ait un pied. Le pied, et puis alors déjà les pieds, des fois ça dégueule un peu parce que je suis pas auteur, mais de chanson, mais des fois de mettre la punch à la fin, c'était un truc que je faisais pas forcément, mais le dernier mot soit le bien mot sûr, marrant quoi. Donc voilà, ça c'était ça. Mais non, c'est Eleanor qui l'a composé, qui a fait ça et qui est venue. Eleanor qui m'a fait trop plaisir parce qu'elle a vraiment kiffé jouer sur scène, quoi, même si c'était une grosse connerie, parce que c'est une excellente guitariste et donc du coup c'était trop bien de la voir. Mais c'est vrai que même si on fait d'autres lives au Bataclan, j'aimerais bien garder la musique, quoi. Je trouve ça cool d'avoir des intermèdes musicaux, je trouve que ça remet de l'ambiance, et puis si elles sont drôles, les chansons, c'est trop bien, les gens y sont forts, quoi. Voilà, et puis je crois que c'est à peu près tout au niveau des questions. Désolé, alors c'était un podcast un peu auto-centré, mais en même temps, il y a plein de gens qui voulaient connaître un peu l'envers du décor. Bah voilà. Donc du coup, vous l'avez. Mais on va quand même pas changer toutes nos habitudes. Non. Ah si, attends, il y avait aussi un truc que je voulais dire, pardon, excusez-moi, qui disait, vous avez repris dans le live au Bataclan, le côté, il y a un thème dès le début. On n'a pas fait le jeu au début. Oui, c'est vrai. Oui, on alors, a... Pourquoi ? Il y a deux choses. C'est que d'une, on avait effectivement moins de temps, donc je me suis préféré que les gens parlent de leur vie que qu'on fasse des blagues sur l'actu. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je pense que ça a joué à ce truc où le début, les gens disaient « Ah, j'avais l'impression que c'était un peu plus tiède au début, machin. » C'est à ça que sert le jeu, en fait. Quand fais le jeu des grosses têtes, en gros, en début de podcast, c'est du coup, on se marre, on parle de pas nos vies, on parle d'autres choses. Et on chauffe, en fait, comme un muscle. Mais en vrai, ça, je pense que ce jeu, il marcherait pas sur scène. Et du je tout, pense qu'il marcherait pas sur scène. Parce qu'il y a des temps morts, parce que c'est un truc où on cherche, on réfléchit et tout. Je pense pas que ça marcherait sur scène, quoi. Pour être même tout à fait transparent avec vous, l'idée était de faire même un jeu du Eddie de Préto, à la base. Mais genre, une journée avant, je me suis dit, mais non, en fait, on va voir ce que tu dis exactement, des temps morts, des trucs. C'est pour ça qu'on a fait le Coluche phrase, qui était en gros un vrai-faux, parce que les gens, ils attendent pas deux heures avant de dire vrai ou faux. Ils disent vite vrai ou faux, et derrière, du coup, t'as la réponse. Mais quand c'est un truc de réflexion, à regarder, c'est un petit peu plus chiant quand même. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas parti là-dessus. Mais on refera des jeux du Eddie de Préto, mais en tout cas, pas en live. Donc voilà, effectivement, dès qu'on refera des émissions un peu plus normales, on remettra ce jeu que moi j'aime bien d'actu un peu débile parce que ça chauffe, ça met à l'aise et moi je trouve ça marrant. Donc si moi je trouve ça marrant, on le fait. Voilà. Désolé, c'est comme ça que ça marche. Adrien, quelle est ta recommandation ? C'est ça qu'on va faire comme les bonnes vieilles habitudes. Alors, ta recommandation culturelle ? Eh bien, oui, écoute, ça va être très axé gaming. Oh putain, c'est J'adore le gaming. Ouais, non, mais c'est ça. Non, il y a un jeu, donc c'est un jeu qui est dispo sur, enfin, à la fois sur Steam, donc Mac, PC, mais aussi sur iOS. Et j'ai fait la bêtise de l'acheter sur PC, puis enfin bon, bref. Non, mais en gros, ça s'appelle. Alors que t'es un féru de tech, je trouve que c'est quand même une grossière erreur. C'est ça, mais ouais, ouais. Bah, c'est très tech d'ailleurs comme jeu, parce qu'en fait, c'est un jeu qui s'appelle While True 2.learn. Okay. Et c'est un jeu de programmation, en gros. Alors, c'est très visuel, c'est-à-dire que c'est à base de modules qu'on relie entre eux, etc. Et c'est assez compliqué à décrire. Mais en gros, on part avec un nombre de petits objets, genre de couleurs et de formes différentes. Et il faut les faire arriver, enfin, il faut les trier, en gros. Et il faut les trier en plaçant des modules, etc. et en les reliant comme quand on fait de la programmation, en gros. C'est-à-dire qu'on utilise différents modules qui sont des vrais modules qui existent quand tu fais de la programmation et tout. Et en fait, ce qui est cool, c'est que bon, déjà, le jeu est assez... je suis déjà au début et je commence déjà un peu à galérer. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que du coup, ça a aussi un but éducatif, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau module qui est dispo, ils expliquent en quoi ça consiste et ils mettent des liens vers des articles ou des vidéos qui expliquent ce que c'est dans la vraie vie, quoi. Et donc c'est assez cool, c'est très bien, c'est un très bon jeu de genre de métro ou de trucs comme ça, parce que c'est très, ça demande pas des réflexes ou des trucs comme ça, mais plutôt de la réflexion. Oh, je pisse. Et donc c'est cool, voilà, un bon petit jeu sympatoche. Deuxième truc, alors ça c'est Cyprien qui m'a fait découvrir ça. Bah alors pour le coup, gros féru de gaming et de tech aussi, Cyprien. Et absolument. Oh, et du podcast d'ailleurs. Tu veux que je te donne un nom de sa chaîne YouTube à une époque? Bah c'est Cyprien Gaming, tout simplement. Tout simplement. C'est vraiment son truc. C'est son nom et sa passion, côte à côte. Donc on le salue parce qu'il écoute le podcast. Ouais, écoute, bah il va bientôt venir. Il est invité, c'est juste qu'il est extrêmement occupé. Bien sûr. Mais il va bientôt venir dans un podcast, donc préparez vos questions. Oui. Et il m'a fait, parce que je l'ai croisé sur un tournage, et il m'a fait découvrir un truc qui s'appelle Shadow. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais moi je découvrais. Et en gros, Shadow, c'est un service, donc on paye tous les mois. Et ils viennent de baisser leur tarif d'ailleurs. Ça c'est très cool parce que c'est vraiment rarissime. Des tarifs qui baissent en fait, et là les gens ont baissé leurs tarifs, et en gros tu payes tous les mois et t'as accès à un PC gaming à distance, mais en gros l'idée c'est que tu l'utilises en streaming. Et du coup, et c'est vraiment comme c'est-à-dire qu'il y a le bureau de Windows et tout ça, et t'es face à un nouvel ordi, t'installes ce que tu veux dessus, donc t'installes par exemple Steam pour avoir accès à tes jeux, etc. Et en fait, c'est vraiment optimisé de ouf, etc. Et donc moi, quand je suis chez moi, je joue sur mon Mac, mais en fait, toute la partie hardware, elle est gérée par cet ordi qui est à distance. Et donc, tu peux faire tourner des jeux qui sont extrêmement gourmands en spec, mais sur n'importe quel ordi, même sur un iPad, même sur des trucs comme ça et tout. Et c'est vraiment bien fait. Moi, en fait, j'étais sur le point de m'acheter un laptop gaming parce que je voulais rejouer. Ordinateur portable, hein, si vous n'êtes pas non, mais bilingue. Oui, tout le monde n'est pas féru de tech. C'est vrai, je suis qu'un des States. Et Cyprien m'a parlé de ça. Et du coup, j'ai dit, ah, je vais tester. Et du coup, je joue sur mon vieux Mac de 2014 parce que ça prend pas de ressources sur ton ordi à toi. Tout est fait, tout est décentralisé en gros, quoi. Et donc c'est vraiment du streaming, mais c'est étonnamment, enfin c'est vraiment hyper réactif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai dans les commandes, sinon ce serait évidemment injouable. Donc j'étais hyper surpris, même sur un Wi-Fi pourri d'hôtel. Alors c'est pas ouf, mais ça peut marcher sur des jeux qui sont pas vraiment basés sur les réflexes, etc. Donc voilà, ça s'appelle Shadow, et donc voilà, ils viennent de... Au début il y avait une offre, maintenant il y en a trois, et donc l'offre de base est du coup moins chère. Donc je les salue, parce que c'est rare quand même que d'une offre, les tarifs baissent, genre Netflix, on paye plus cher qu'au début de Netflix, quoi. Ouais. Et de toute façon, c'est de pire en pire. Dans deux ans, on paiera combien? Et oui, puis attends, l'iPhone en 2022, il y aura combien d'appareils photo? 10? Bah, ou peut-être même 12? Peut-être 13. Peut-être 15. 17. Oh, 1000. Non, je suis allé trop loin. T'as gâché la blague. Et puis alors, hey, on est abonné à Netflix, mais après, ça va être quoi? Amazon, Disney+, Canal. Non, mais ouais. On est abonné à 1000 choses ou quoi? Et puis, on est des vaches à lait, donc. Ouais. Tout était dans le donc, à mes yeux. et très vite, là, j'ai commencé à jouer à... Il en profite, il sait qu'on a du temps. Il sait ça fait longtemps qu'on a pas fait de reco. Non, mais en plus, là, c'est que des trucs très récents que j'ai découvert très récemment. Mais c'est encore un jeu qui s'appelle The Outer Worlds. Et en fait, moi, je suis fada même, de la saga... Tillet Fada, d'ailleurs. Tillet Fada, ouais. Je crains des gains. Ah bah ouais. Je vous prends tous, d'ailleurs, ici, un par un. Comment tu parles à ma sœur, Adrien, je peux savoir? Assez bien, parce que je suis woke et je respecte les femmes, en fait, okay, tout simplement. Je parle comme un être humain, en fait. Okay. Non, mais pardon. Je voulais mettre ça au clair, quand même. Non, mais bien sûr. Donc, The Outer Worlds, moi, je suis fan de la saga Fallout. J'ai été, comme à peu près tout le monde, déçu par le dernier, puisque c'était devenu un simulateur de boire et manger, ce qui était vraiment pas ouf. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est les deux créateurs de la série Fallout qui se sont barrés dans un autre studio. Donc, au final, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Fallout, dans le gameplay, etc., mais qui ne tourne pas sur un moteur graphique de 1997, ce qui est cool, parce que vraiment, les Fallout, j'adorais l'univers et tout, mais c'était très laid. Et là, c'est vraiment beau, etc. C'est vraiment un jeu actuel, en fait, ce qui n'était pas le cas de Fallout. Et donc, voilà, The Outer Worlds. Et là, et en plus, on a... pareil que Fallout, tu explores les trucs, etc. Tu tires sur des trucs. Puis maintenant, tu as un vaisseau et tu vas sur d'autres planètes et tu explores l'univers et tout. Donc, j'y joue là et je suis content. Je retrouve le kiff de jouer à des Fallout. Mais il faut être un peu intelligent pour jouer à ça, non? Parce que moi, par exemple, j'aime bien non. Far Cry parce qu'il faut tuer. Moi, j'aime bien les non. jeux où il faut juste Alors, tuer. Autant le jeu de programmation, c'est un peu de la réflexion. Autant là, ça reste quand même buté des trucs. Non, mais genre, moi, ça peut me plaire. Moi, je suis très shoot them up. Ouais, je pense. Même Overwatch, moi, je trouvais qu'il y avait trop de tactique à un moment, tu vois. Genre, Ouais, non, bah là, c'est un RPG, c'est pas un FPS. Donc, il faut aimer aussi vendre des objets pour se faire de la thune, pour s'acheter des trucs, des machins. Voilà. Si t'aimes juste tirer sur des gens, c'est peut-être pas pour toi. Ok, d'accord. Bon. Eh bien, quant à moi. Oh là là. Adrien Méniel, beaucoup moins de recos, mais d'un artiste qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup recommandé dans ce podcast, mais c'est tout le temps des gens différents, et cette fois-ci, c'est mon tour. Il s'agit de la bande dessinée Fornica de Fab Caro. Bah, bien sûr. Je crois que c'est sa dernière qui est sortie, alors après, il en sort beaucoup. C'est Fornica ? Forni. Ou Formica ? Non, comme la matière. Formica. Donc. Ah, pardon, je disais. Parce que Fornica, c'est le passé simple du verbe forniquer. Et bien non, c'est Formica du coup. Et non pas pour le chanteur Mika. Mika, c'est, voilà. Ouais, c'est complètement autre chose. Donc Formica, qui est donc une bande dessinée dans le style donc humoristique, parce que des fois Fab Caro il fait des trucs un peu plus. Alors pas en BD, mais moi j'avais lu Le Discours par exemple, qui était beaucoup moins gaguesque. Là on est vraiment dans son style très, très absurde. Et le pitch, alors je vais pas vous griller les trucs, mais en gros c'est des amis qui un dimanche n'ont pas de conversation. Et donc ils essaient d'avoir une conversation. Et ça part dans des trucs vraiment. C'est complètement délirant. Vous le dire. Moi qui adore les délires géniaux. Mais c'était pas un peu ça le discours déjà? C'était pas un truc comme ça? Non, pas du tout. Non, le discours c'est un gars qui doit. En gros, son beau-frère lui dit son beau-frère et sa sœur vont se marier. Ouais. Et son beau-frère dit ce serait trop bien que tu fasses un discours pour le mariage de ta sœur. Et lui il est en mode genre putain, je sais pas faire de discours. Et en fait, il repense à toute sa vie avec une meuf qui vient de le larguer par rapport à ce discours. Et du coup, en vrai, c'est très. C'est beaucoup plus normal le discours, tu vois. Okay. Il y a de l'observation. Ouais. Mais c'est des trucs très normaux. Là, c'est vraiment n'importe quoi. D'accord. Mais c'est du n'importe quoi très drôle et toujours dans ce style avec des dessins très réalistes comme dans Zai. Je sais plus combien il y a de Zai. Il y en a 6. Ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, comme dans Zai. Ouais. Mais également comme dans Moins qu'hier, plus que demain. Ouais. Attends. Ou l'inverse. Je crois que c'est ça, moins qu'hier, plus que demain, à savoir des trucs très cons, mais avec un style très sérieux. Voilà. Et ça, moi, ça me tue de rire à chaque fois. Et Fab Caro, que je trouve, est un des gars les plus talentueux actuellement dans ce qui se fait dans les trucs marrants en France. Et si d'ailleurs, il écoute cette émission, qu'il n'hésite pas, cordialement invité. Mais je l'avais écouté chez Augustin Trapenard. Il a ce truc, toi tu viens du dessin, Adrien, mais il est un peu plus timide. Donc oui, c'est assez, voilà, c'est des gens qui sont parfois très loquaces et marrants dans ce qu'ils écrivent. Ils sont parfois plus timides vu que c'est des dessinateurs, des trucs comme ça. Mais en tout cas, Fab Caro, grand grand talent. Et c'est vrai que moi, tous les trucs que je lis de lui, à chaque fois, je me dis putain, il est quand même très très fort. Donc Formica, non pas Fornica, mais aussi un peu en tête de gondole dans toutes les Fnac de France. Et je suis pas très cher en plus, je crois que c'est 12 balles, un truc comme ça. Donc voilà. Le discours qui a. Pardon, je t'ai coupé la parole, mais le discours s'est adapté en film, il me semble. Ouais, ils vont le faire au cinéma avec Benjamin Laverne et Kian Kojandi. Génial. Autres. Ouais, ouais, ouais. Dis donc. Et moi. Non, pas du tout. C'est ça. Évidemment que non, enfin. Là, ils le font effectivement en film. Mais je crois qu'ils font d'autres trucs de Fab Caro en ce moment en film, mais je ne sais pas ce que j'ai entendu dans ce petit milieu qui est le show business. Mais je crois que j'ai entendu que Zai allez, t'as aussi, je crois, adapté en film. Bah alors, si tu l'as lu, c'est cool. Moi, je sais pas si c'est un bruit de couloir. On me l'a dit. Non, on me l'a dit. Est-ce un bruit de couloir du showbiz, Adrien? Parce que nous, on a. Tu veux dire genre. Allô? C'est un non, bruit de couloir. Ah pardon, une porte, c'est une porte qui se ferme. Tu couperas ça. Non, mais bon, on vérifiera. Je vérifierai si c'est un vrai truc ou si c'est un truc voilà. qu'on nous a dit et qu'il faut peut-être pas répéter en public. Ah oui, ouais, bien sûr. Ouais, bah Fab Caro. Et puis non, il y a un programme court aussi en ce moment, je crois, sur Canal. J'ai pas regardé encore. Ah ouais. Ouais, enfin c'est, bah, c'est un peu le gars que tout le monde veut adapter en ce moment. Ah ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça marche déjà très très bien. Ça va l'oseille, Fab Caro. Bien, bien envoyé. En tout cas, ça, ça va payer les stylos, ça. Pour dessiner. Peut-être même les crayons de couleur, genre. Les feuilles. Ou la connexion Wi-Fi quand tu Lordos. Envoies des mails. Ouais. Genre. Pour réclamer de l'argent parce que les gens ne payent pas les dessinateurs. Allez, paf. Allez, paf. Bah, d'ailleurs, prépare-toi parce qu'après. Après, c'est quoi que tu fais du de la scène? Ce sera. Mais quand est-ce que tu sors ton album? Il y a aussi eu quelques. C'est quand que tu sors ton podcast? Donc, ah oui, oui, bien sûr. Des choses, Adrien. Maintenant. Bah, ouais. C'est moi après qui reçois les trucs, c'est pas toi. Moi, si, moi aussi. Rassure-toi. Moi aussi. Mais bon, j'ai ouvert ma gueule. Bah voilà. Dire j'ai envie de faire ça. J'ai envie puis de faire ça marche bien sur toi, je crois, la pression du public, des gens qui traitent. En vrai, ça fait plaisir. Oui. Mais bon, ça ne change rien. Et là, c'est le projet. Le problème vient de moi, malheureusement. Je vais voir une psy pour essayer de comprendre. De gérer tout ça. Voilà. Adrien, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Est-ce que tu as des trucs qui sont sortis ou est-ce que... Non, je pense que tu es toujours en tournage. Voilà, je suis en tournage. On m'a demandé le prochain projet dans lequel on verrait, ce sera a priori Derby Girl. Ouais, sur TV Slash. Sur Slash TV. Ouais, sur Slash, la plateforme de France Télé. Télévision. Plateforme gratuite, hein, je rappelle, parce que moi-même, quand j'ai commencé à jouer dans Derby Girl. Je me disais, oh putain, encore une plateforme, personne va payer l'abonnement et tout. Il n'y a pas d'abonnement, c'est gratos. Non, c'est vrai, c'est sur YouTube même, je crois, à un moment. Je crois que les premiers épisodes, ouais, non, okay. Non, pas tout. Okay. Mais bah non, il faut quand même qu'ils se fassent de l'argent d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, oui, c'est gratuit. Si vous c'est pour regarder. Ça que je paye ma redevance, hein, je vous le dis. Hein. Ma redevance, c'est pour payer Adrien. Voilà, très peu, je te rassure. très, très peu payé. Mais toi voilà. Et Nagui, enfin c'est les deux. Ouais, vous ouais, payez ouais bien sûr. Ouais, ouais. Nagui peut-être touche un peu plus. non voilà. Sinon non, qu'est-ce que j'aurais pu. Non, rien là, pour l'instant. Voilà. Il y a Beagle qui des fois ressort des vieux sketchs à nous. Mais oui, on très a pas... étrange. Hein, ouais, on n'a pas contrôle de ça. C'est cool, hein, que les sketchs sortent, mais. Bon mais après. Si on avait le choix, on sortirait peut-être deux sketchs parfois. Voilà. Et si j'avais le choix, quand je les écris. Ne mettez pas que c'est Flaubert qui les a écrits. Ouais, il y en a eu un où ils ont dit que c'était moi alors que pas du tout. Ils ont dit idée originale Flaubert écrit par Flaubert, c'était idée originale de Robinson écrit par moi. Ça a été corrigé depuis. Évidemment. Mais bon bah voilà, faites un effort. Et aussi mettez par exemple les premiers assistants aussi dans les crédits parce que. Ah oui, ça a été. Ouais. Voilà. Il a regardé par-dessus mon épaule les crédits, il a fait ah cool, je suis pas dans les, j'y suis pas. Eh bon, ah, wow, tout bon. Le monde s'en fout de ce qu'on est en train de dire. Ouais, mais bon, aucun intérêt, mais voilà. Voilà, et donc du coup, et puis quant à moi, bah Pitch toujours sur Canal Pelu et sur YouTube. Et puis le tournage a commencé, parce que ça a été annoncé, donc je peux le dire. Tournage de La Flamme que j'ai coécrit avec Jérémy Galland et Jonathan Cohen. Une série Canal Plus, on aura l'occasion de vous en reparler, en plus avec les intéressés, où il y a. Plein de comédiens incroyables. Alors, une adaptation de Burning Love. Une adaptation, évidemment, oui, complètement. Une adaptation, une série produite par Ben Stiller. Et qui est une parodie du Bachelor, en exactement, qui est une version un peu marrante, un peu débile du Bachelor. Eux, c'était un truc un petit peu plus court. Nous, on a fait une adaptation de 26 minutes. Voilà. Ça devra. Je sais pas quand ça doit arriver sur Canal, mais en tout cas, en ce moment même, c'est en tournage. Et on a plein de gens super. On a Léla Becti, Géraldine Nakache, Anaïs Desmoustiers. On a Angèle, Seth Gecko. Et moi. Et non, toujours pas. Toujours pas, même quand c'est des potes. Non. Enfin voilà, il y a plein de Vincent McCain, Doria Tillier. Enfin bon, il y a un milliard de noms, mais je l'ai annoncé sur mon Insta si vous voulez regarder tout le casting. Et je sais pas quand ça arrive sur Canal. En tout cas, c'est en tournage en ce moment même. Donc voilà, ça sera un peu la grosse sortie, je pense, de la première moitié de 2020 pour moi. Et après, évidemment, d'autres séries, peut-être une avec Adrien qui est en train de tourner en ce moment. Mais on n'a pas le droit, évidemment, de dire le titre. Parfait. Écoute, merci Adrien pour ce petit épisode. Merci à toi. Ce petit épisode 1h20, voilà, plus petit, plus court, mais on voulait débriefer ce truc-là. Ouais. Et puis on va refaire la semaine prochaine un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Attention, portez-vous bien, c'est la punchline de mon frère. On peut pas dire ça. Ah oui, portez-vous bien, bah oui, parce qu'il est médecin. Puis il adore porter des trucs aussi. Ah ouais, de toute façon, il a une masse musculaire qui est assez impressionnante. Bien supérieure à la mienne. Ah oui, bah en tout point. Ce qui est pas dur. En vrai. Non, mais je vais trouver une autre façon de dire au revoir. Vous regardez trop la télévision. Ah, ciao, bonsoir. Non, ça c'est les guignols. Les guignols de l'info. Les guignols, ouais. Ah. Ouais. Mais what? Salut tout le monde. Ça c'est Pierre. Ouais. Bah ouais, puis en plus c'est même pas une façon de dire au revoir. C'est vrai. Ouais. J'ai caché la blague très vite. Non, non, mais ça va, mais voilà. Au revoir, on pourrait dire ça. Ah. Et après on met la Marseillaise. Eh bah vas-y, on fait ça. Mesdames, comment il disait? Il disait au revoir. Juste au revoir. Avant, il disait au revoir. Au revoir.